Sur le nombre de personnes qui est ici, il y a sûrement des personnes qui sont malades et qui ne savent pas, disons. Tous les médecins, c'est vertueux de dire ça, oui. Je crois aussi que tu es en médecine. Oui, mais disons que je le fais de façon neutre à toi. Alors, le sujet de la conférence, vu que c'est évoluer malgré la maladie, qu'est-ce que la maladie réellement dans son sens profond? Dans le sens, juste comment que ça peut se produire qu'on puisse être malade tout en ne le sachant pas qu'on l'est? Alors, ça veut dire qu'il y a des sources peut-être qu'on connaît pas de la maladie. On va commencer assez général, puis on va voir ce qui va venir après. Oui, on va voir. Bon. Premièrement, c'est pas important de dialoguer sur le mécanisme qui amène l'humain à être malade, tout en l'ignorant. Bon, j'avoue que ça commence mal, mais voilà, ben, comment ça se passe? Tu pourrais me dire, tu peux être malade puis tu l'ignores, dans le fond. Oui, tu peux être malade puis tu l'ignores, sauf que ça n'a rien à foutre, étant donné qu'une maladie que tu ignores n'est pas une maladie évolutive. Une maladie que tu ignores, c'est une maladie qui, comme telle, ne te nuit pas. Lorsque la maladie devient expressive, lorsque la maladie s'exprime, lorsque la maladie commence à apparaître, elle nuit soit à ta psychologie, parce que la maladie te fait pousser des boutons sur le nez, ou bien elle nuit à ta démarche, elle nuit à ta motricité, ou encore elle nuit à ta réflexion, elle nuit à ta digestion, elle nuit à ton temps. Donc, elle nuit à ta vie. Lorsqu'elle nuit à ta vie, tu sais que tu es malade. Évidemment, la majorité des personnes qui ont des maladies chroniques finissent par oublier qu'elles sont malades, mais elles le savent. Lorsqu'une personne est atteinte d'une maladie et qu'elle l'ignore, on ne peut pas parler de maladie. Pas dans le sens évolutif du terme. Alors, si je regarde une personne qui, je découvre dans son sang, par exemple, des facteurs de leucémie ou des facteurs de sida, elle est d'une certaine façon, disons, médicale, malade. Par contre, elle peut ne jamais exprimer ni le sida ni la leucémie d'une façon réelle, donc elle ne sera jamais malade d'une façon évolutive. Alors, on regarde, par exemple, différentes maladies comme l'hémophilie, qui est portée par les femmes et qui ne touche que les hommes. Les femmes sont médicalement porteuses, donc malades, c'est-à-dire qu'elles ont des gènes hémophiles. Sauf qu'elles ne sont jamais malades d'une façon expressive, donc elles n'ont jamais de maladie comme l'hémophilie qui va nuire à leur évolution, tandis que les hommes qui ne sont pas porteurs, d'une façon, disons, à transmettre, contagieux, disons, si on peut dire, évidemment, même si c'est génétique, les hommes, par contre, les garçons, les enfants, normalement, les mâles, pourront exprimer la maladie portée par la femme. Alors, pour eux, ce sera une maladie dite d'évolution, une maladie qui pourra apparemment nuire ou apparemment aider, mais qui de toute façon est constructive pour l'évolution de l'humanité. Tandis que la femme qui est porteur, donc qui, comme telle, est malade et qui l'ignore, ça n'a rien à voir qu'elle le sache ou non. D'ordre, au niveau de l'ordre de l'évolution. Si on regarde au niveau de l'ordre de l'évolution sociale, alors là, ça peut être important qu'une femme ou qu'un homme sache si elle est porteur d'une pathologie ou non, même si jamais elle n'en sera malade, de façon à ce qu'on puisse, par des mécanismes d'ajustement génétique, s'arranger pour qu'à moyen terme ou à long terme, ce genre de maladie disparaisse totalement de la surface de la planète. Tout à l'heure, je disais à un de mes amis dans le bureau, c'est intéressant de voir comment, dans quel merdier l'humain vit. L'humain a inventé la Terre. L'humain a inventé ce qui recouvre la surface de la Terre, c'est-à-dire que l'humain a inventé les verres, l'humain a inventé les bureaux, les chaises, l'humain a inventé le linge, il a inventé les virus, il a inventé les bactéries, il a inventé les accidents, il a inventé la pollution, il a inventé un système de nutrition qui demande certains éléments, il a inventé une agriculture qui ne donne plus ces éléments. Alors, il a inventé aussi la famine, il a inventé les guerres, il a inventé les sécheresses, il a inventé les désharmonies. Et suite à tout cela, il a inventé les prières, il a inventé les médecins, il a inventé les médicaments et les effets secondaires. Il a inventé une médecine tout à fait synthétique, comme une alimentation synthétique. Il a inventé le chiolage. Il a inventé la souffrance. Et à travers toutes les inventions de l'humain, l'humain essaie présentement d'inventer une mécanique qui pourrait lui permettre de se sortir de ce qu'il a inventé, le monde dans lequel il vit. Alors l'humain invente le végétarisme, l'humain invente le céréalien, l'humain invente les hormones à placer dans les animaux. Pendant longtemps, on avait une bonne farce, celui qui est chauve. C'est parce que, bon, il est trop sexé, etc. Aujourd'hui, non, une personne chauve ou une personne extrêmement poilue peut être une personne qui mange trop de viande. Parce que les hormones contenues dans la viande, évidemment, créent des mécanismes d'effets secondaires chez l'humain. Comme les femmes qui ont plus de pilosité. Comme les femmes qui ont des problèmes de menstruation. Est-ce que c'est des problèmes d'énergie supramentale? Ou c'est peut-être des problèmes d'énergie hormonale, plus précisément. J'ai connu un fermier qui, effectivement, nourrissait ses bœufs avec des hormones. Et lorsqu'on lui demandait quelle quantité d'hormones il plaçait à l'intérieur de la nourriture, ça se dit pas, qu'il disait. Et si on lui demandait, bon, on lui demandait pas parce qu'on savait très bien que lui, la viande qu'il mangeait, c'était ses propres bœufs, mais qu'il ne nourrissait pas comme ceux qu'il vendait, mais nourri avec la nourriture conventionnelle comme on le faisait dans l'Antiquité. Parce que lui ne se risque pas à manger les toxines contenues dans les bœufs, dans les moutons, parce qu'on parle du poulet. Oh, on parle du poulet, mais il faut comprendre que les hormones, il y en a partout maintenant. Très intéressant. Alors, l'homme a inventé tout ça, l'humain, donc l'homme, la femme et l'enfant. Et maintenant, on essaie d'inventer une mécanique qui nous pourrait nous permettre de fuir, de quitter ou de nous désassujettir du monde inventé par l'humain dans lequel nous sommes nés. Maintenant, ce monde que nous avons bâti. Nous l'avons bâti pourquoi? Non pas comment on s'en fout. Pourquoi? Y a-t-il une raison majeure intelligente qui nous permette d'avoir créé un monde qui entretienne encore la maladie? Parce que si la société d'aujourd'hui n'est pas une société d'entretien de santé, elle est une société d'entretien de maladie. Si elle n'entretient pas l'air pur, elle entretient l'air pollué. Si elle n'entretient pas l'eau pure, elle entretient l'eau polluée. Et ce ne sont pas que les compagnies ou les gouvernements. On en a la preuve aujourd'hui avec le nettoyage du canal de la Chine. On découvre de tout ce que les honnêtes citoyens ont décidé de se débarrasser à un moment donné. Et il y a des villes comme Montréal qui offrent des services de camionnage gratuits pour se débarrasser de nos vieux poêles, frigidaires, nos vieux matelas, nos belles-mères. Et c'est gratuit, une condition, soyez présent à l'heure où vous nous demandez de passer. Et la ville passe avec un camion et elle ramasse. Et non, les honnêtes citoyens préfèrent mettre ça dans un trailer qu'ils louent, s'en aller jusque dans une dombe ou sous le bord d'une rivière et mettre ça dans l'eau. Au risque de se faire pincer, au risque de payer des amendes, en dépensant de l'énergie, de l'effort, alors que c'est gratuit, le service. Si l'humain ne connaît pas ce service, il devrait se dire que s'il n'existe pas, on devrait l'inventer et en parler aux élections. Et là, il apprendrait qu'il existe déjà. Et non, l'humain préfère se débarrasser de tous ces mécanismes, comme il vomit ses mémoires dans la tête de d'autres. Les autres, ils les appellent des psychologues. Mais enfin, là, l'humain aime se débarrasser de toutes ces choses qu'il a créées, qu'il a accumulées, qu'il a orchestrées, qu'il a amenées à lui. Et il s'en débarrasse n'importe où, ce qui crée évidemment des problèmes comme on connaît aujourd'hui. Une société bâtie avec autant de déchets connus ou ignorés que bâtie sur des choses qui ont une valeur absolument extraordinaire. Si on regarde les maisons bâties dans certaines régions de la ville de Montréal, c'est génial. Telluriquement parlant, c'est génial. Si on regarde d'autres maisons bâties sur d'autres territoires, comme à Ville-la-Salle, où on doit démolir, bien évidemment, c'est un peu moins génial, bâti sur des dépotoirs qui sont presque radioactifs. Alors, si on regarde la maladie comme facteur d'évolution, à un moment donné, tu me demandais si la peur était une mécanique qui poussait l'humain à évoluer. Moi, je t'avais répondu que la souffrance était une mécanique qui obligeait l'humain à évoluer, que la peur était une mécanique qui obligeait l'humain à freiner. La maladie amène donc la souffrance. La maladie amène la souffrance et dans le corps physique et dans le corps psychologique. La maladie, elle amène l'insécurité. Elle amène une transformation, une mutation corporelle au niveau moteur, au niveau réflexif. Donc, elle amène de l'insécurité au niveau de la compréhension, au niveau de notre vie, au niveau de notre de la souffrance à venir, au niveau des opérations, au niveau de la vie psychologique qu'on s'était projetée. Une personne qui est atteinte du sida ne peut pas concevoir sa vie comme une personne qui ne l'a pas. Alors, on ne veut pas la maladie, elle amène un immense facteur de souffrance physique et un immense facteur de souffrance psychologique. Maintenant, qu'est-ce qui est important au niveau de la maladie? La souffrance physique ou la souffrance psychologique? Où pouvons-nous trouver un facteur d'évolution dans la maladie? Est-ce que la maladie est un facteur d'évolution ou une expression de l'involution? C'est assez intéressant de se poser la question parce que ou bien on lutte mordicus pour détruire la maladie de la surface de notre terre. Ou bien on comprend la maladie et on accepte d'apprendre les leçons qu'elle nous amène. Alors, il y a évidemment une question fondamentale. La maladie est-elle un facteur évolutif ou une expression de l'involution de l'humain? Normalement, lorsqu'une limitation apparaît, l'humain parle d'involution, de blocage. Ce n'est pas toujours un blocage. Ce sont des fois des examens. L'examen qui empêche l'élève, qui l'empêche de passer du secondaire 4 au secondaire 5, est un blocage. Mais c'est en même temps très salutaire, parce que s'il n'a pas la faculté de monter en secondaire 5, et par la suite au cégep, il aura de gros problèmes. Il doit être examiné, c'est-à-dire qu'il doit être testé. Lorsque l'humain remplace la vie, il crée des examens, il crée des tests pour voir si vous allez vous tuer au volant ou si vous allez être capable de conduire une automobile, un examen. Mais la vie aussi a ses examens. Et la vie a aussi ses facteurs de blocage. C'est-à-dire que tout ce que nous laissons au hasard n'aboutit habituellement jamais où on veut que ça aboutisse. Et l'humain qui vit en société s'en remet presque toujours au hasard. Au hasard d'une élection politique, au hasard de l'intelligence ou de la manipulation astralisée des dirigeants politiques, au hasard des médecins, au hasard de la vie. Il a mal à la tête et il espère que ça va passer. Il a des crampes d'estomac et il espère que ça va passer. Il a mal aux dents et il espère que ça va passer. Il espère. Et lorsque l'humain espère, il remet sa vie entre les mains de facteurs qu'il ne connaît pas. Et lorsque l'on remet sa vie entre les mains de facteurs que l'on ne connaît pas, on ne peut pas savoir où la vie va nous mener. Lorsque l'humain ne connaît pas ces facteurs, il les catalogue. Alors l'humain appelle ces facteurs inconnus Dieu, destinée, évolution, etc. Mais ça ne change rien. D'autres peuvent appeler cela Satan, évolution, manipulation. Ça reste des facteurs inconnus. Qu'est-ce qui amène l'état de maladie dans le corps de l'humain? Si l'humain est régi par l'intelligence comme l'homme nouveau va être régi par l'intelligence, il va s'arranger pour que, d'une façon génétique, la maladie tende à disparaître. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour la femme ancienne d'avoir un enfant en parfaite santé qui ne peut pas génétiquement recevoir les probabilités de tort pathologique de son propre véhicule, de son propre corps et de celui de son mari? Ou bien, si pour elle, c'est important d'avoir un enfant qui aura été génétiquement, sexuellement conçu par elle. Je veux dire ceci, je ne dis pas, je vais poser une question et ce sera à vous d'y répondre selon votre propre vibration, votre propre résonance avec ce que j'appelle, moi, l'homme nouveau. Une femme est cardiaque, elle a 38 ans. elle souffre d'angine de poitrine. Elle n'a pas fait d'infarctus, mais elle souffre d'angine. Elle est mariée avec un homme qui, lui, souffre d'insuffisance cardiaque, qui, de temps en temps, lui amène ce qu'on appelle communément de l'eau au poumon. Il n'a jamais eu d'œdème aigu du poumon, d'OAP, mais de temps en temps, il a de la difficulté à respirer. Alors, ces deux personnages veulent avoir un enfant. Lorsqu'une personne rentre dans un hôpital, même si on est relié à une intellectuance mémorielle, expérientielle, les médecins ne peuvent pas s'empêcher de demander aux patients « Est-ce que dans votre famille, il y a des personnes cardiaques? Est-ce que dans votre famille, il y a des personnes épileptiques, diabétiques? » Preuve que même, malgré l'humanité que nous avons aujourd'hui, on sait que le facteur génétique, que la maladie, que plusieurs formes de maladies sont transmissibles par la génétique. Alors, on devrait placer quelque chose. N'enfantez pas des enfants malades. Et si vos parents auraient compris cela, vous seriez tous présents aujourd'hui, mais peut-être pas dans les mêmes corps. Et ça, faut le comprendre. Vous auriez peut-être des corps qui, aujourd'hui, n'auraient jamais encore connu la maladie. Évidemment, il y a les maladies physiques, les accidents. Il y a certaines formes de maladies astralo-vitales que la médecine appelle psychosomatiques. On va y revenir. Mais la majorité des maladies sont des faiblesses génétiques qui placent le corps physique soit d'une façon à être moins résistant aux facteurs extérieurs ou soit carrément de façon à être moins résistant au puisement de la psychologie astrale dans l'énergie vitale qui garde la mémoire du corps physique. Alors, cette femme qui a des problèmes cardiaques et ce mari qui a lui aussi des problèmes cardiaques vont avoir un enfant qui aura 80% des chances d'être cardiaque lui aussi avant 40 ans. Si la mère et le père décident d'avoir un enfant dans un but intelligent, je vais faire une conférence en septembre sur les mécanismes de l'accouchement et j'ai déjà fait une conférence sur la conception de l'enfant et on va en refaire une autre. Si les parents veulent avoir un enfant qui ne risque pas d'être malade génétiquement, la science vient dire, parfait, nous allons tripoter vos gènes de façon à essayer d'éliminer les facteurs de probabilité pathologique coronarien ou cardiaque. Mais c'est absurde, parce que la mutation opérée par l'humain à travers le gène opère d'autres mutations qui ne peuvent pas être comprises par l'humain et qui ne seront jamais comprises par l'homme ancien. Alors, on risque de s'en aller vers une dégénérescence évolutive de la race humaine. Par contre, il va de soi que si la mère a un enfant avec un père qui n'est pas atteint de problèmes cardiaques et qui, dans sa famille ou dans sa descendance ou dans son arbre généalogique, n'a pas de problèmes cardiaques, les 80% de probabilité coronarienne ou cardiaque pathologique peuvent être diminués à 60, 40 ou 30%. Et il va de soi que si la mère et le père n'ont aucun problème cardiaque, conçoivent un enfant qui sera éduqué et élevé par les deux parents cardiaques, l'enfant n'aura aucune probabilité d'être atteint de problème cardiaque. Cela veut dire qu'en quelques générations, la grande majorité des maladies et des faiblesses humaines seront disparues de la surface des endroits où on aura compris l'intelligence de créer des corps en santé. Alors, je ne suis pas contre, l'humain n'y arrivera jamais, donc ça ne vaut pas la peine d'être contre. Le fait que l'humain tripote la génétique en laboratoire, je ne peux pas être contre parce que ça ne marchera pas. Et si ça marcherait, je serais contre. Mais je suis tout à fait d'accord parce que je comprends l'intelligence d'avoir des corps en santé pour que les parents s'ajustent de façon à avoir des corps en santé. L'humain fait tout par désir psychologique. L'humain fait tout par manipulation astrale. Donc, l'humain fait tout par coup de foudre. Lorsqu'un homme, lorsqu'une femme ont des problèmes psychologiques, non, ce ne sont pas des problèmes encore, ils ne sont pas connus comme étant des problèmes, on appelle ça des trous. on appelle ça des manques. On recherche son âme sœur, sa moitié. C'est un trou. Quand il nous manque une moitié de quelque chose, c'est un trou. Alors on recherche sa douce moitié, qui devient souvent du papier sablé moitié. Elle reste pas doux longtemps, normalement. Mais enfin, on s'arrange toujours pour essayer de sabler le sablage de l'autre, et puis on ajuste. Hein? Bon. Tant bien que mal. Et lorsque l'humain rencontre une autre personne par attraction émotive, il ne peut pas évoluer d'une façon intelligente. Ceux qui se sont connus par attraction émotive et qui se sont mariés, eh bien, vous restez mariés. Ceux qui se sont divorcés, vous restez divorcés. Ceux qui sont à côté, vous restez à côté. Maintenant, est-ce qu'on est capable de transformer une relation émotive en relation intelligente? Y a-t-il des raisons intelligentes qui poussent les humains qui sont présentement ensemble à devoir rester ensemble? Faut trouver. Il y en a sans doute. Faut trouver. Mais c'est une question intéressante à se poser. Je t'aime, tu m'aimes, blablabla, j'ai besoin de toi, t'as besoin de moi. Je m'ennuie quand t'es pas là, j'espère que ça m'ennuie quand je suis pas là. Bon. Tu m'apportes plus au thème et tu m'apportes encore. Bon. Maintenant, y a-t-il une raison intelligente qui me porte à rester avec toi? Autre tes motifs. Oui, ça coûte moins cher de loyer. Ça, c'est une raison intelligente. Ça vaut-tu le prix? Ah, faut voir. J'apprends énormément de choses qui me permettent de me transformer, même si ça me fait chier. Moi, c'est une bonne raison intelligente. Et là, on se rapproche de la maladie. Y a-t-il une raison intelligente d'être malade? Regardez ceci. Vous allez comprendre une chose. Maladie ou non? Eh oui. Comment? Bon. Si vous voulez, j'ai pas de matériel didactique assez consistant. Ça ici, c'est vous ou toi. D'accord? Ça ici, c'est votre chemin dans la vie. Comme ça. Où je vous cherchais. Et le chemin qui est ici, qui, pour ceux qui sont en arrière, est comme cela, est le chemin futur de votre vie. Et c'est ce que vous avez créé par projection consciente ou inconsciente depuis que vous êtes au monde. Et c'est aussi une grande partie de votre destinée, c'est-à-dire des probabilités qui obligent votre vie. Vous ne pouvez pas devenir résistant afghan en étant né au Québec. Bon. Alors, en partant, il y a une destinée. Maintenant, ce qui arrive, il arrive ceci, c'est que lorsque l'humain se conscientise, lorsque l'humain devient intelligent, c'est-à-dire lorsque l'humain devient assujetti à une intelligence qui n'est pas expérimentée et qui n'est pas expérimentable tant qu'elle n'est pas exprimée dans la conscience mentale de l'humain. Lorsque l'humain se conscientise, cela veut dire que l'humain apprend à connaître une chose. Il apprend à expérimenter une nouvelle chose. Il apprend à connaître le fait qu'il est capable de connaître sans connaître. Il apprend à connaître le fait qu'il est capable de savoir sans avoir appris. Il apprend à un moment donné que par la parole, entre autres, et surtout, il arrive à être capable de répondre à des questions qu'on n'a jamais pu répondre. Il arrive à être capable de solutionner des choses comme un professionnel l'aurait fait, sans que lui n'ait eu à passer par l'apprentissage. Il arrive, il découvre qu'il est capable de savoir des choses sans l'avoir appris. Lorsque vous mémorisez des techniques automobiles, vous pouvez être mécanicien. Mais lorsque vous affrontez un domaine tout à fait inconnu de votre mémoire, vous n'êtes plus efficace. Sauf. Et l'humain a toujours su un petit peu se connecter à l'intelligence supramentale, à l'esprit, à son esprit. Alors certains deviennent adaptables, ajustables au nouveau, au neuf, à l'inconnu. Lorsque l'intelligence commence à animer les parcelles neuroniques, donc les neurones et les cellules gliales des cerveaux de certains humains, ceux-ci deviennent attirés, ce qui monte, converge, a dit un ancien bonhomme. Lorsque l'humain commence à être régi par de l'intelligence et non plus que par de l'intellectuance, donc de la mémoire. Lorsque l'humain commence à penser comme l'humanité n'a jamais pensé. Lorsque l'humain commence à aimer comme on n'a jamais aimé. Lorsque l'humain commence à parler et à ajuster sa parole comme on ne l'a pas fait. Lorsque l'humain commence à avoir des émotions comme on ne les a pas décrites jusqu'à date. Lorsque l'humain commence à savoir des choses. C'est juste parce qu'il sait. Et lorsqu'on lui demande comment ça se fait que tu le sais, tu le sais. Tu le sais. Rien d'autre. Lorsque l'humain commence à devenir fou pour les autres, tout en devenant plus efficace que les autres, preuve qu'il n'est pas fou, automatiquement, il se rapproche d'un chemin qui va tendre à lui amener plus de facilité, moins de souffrance. Un chemin qui va l'obliger, par contre, à transcender l'humain terrestrifié, à transcender les parties humaines de l'humain pour que ce qui habite l'humain et qui est enterré, étouffé, enseveli sous le poids de la mémoire finisse par sortir à travers les cendres. C'est ce qu'on appelle la partie divine de l'humain. Il y a autre chose supérieure à la partie divine de l'humain, mais pour l'instant, c'est la partie divine, ce que j'appelle moi la partie intelligente de l'humain qui va sortir. Plus l'attente est longue, plus les cendres sont épaisses. Mais plus la flamme sort haute quand ça sort. Lorsque l'humain se conscientise de plus en plus, il finit par être attiré. Si l'humain s'en allait comme ça, il finit par être attiré par le chemin que lui s'est constitué et que l'intelligence lui donne. Lorsque l'humain s'en vient comme ça et qu'il doit croiser sa vie, ce que moi je pourrais appeler sa mutation, ce que d'autres appellent sa fusion, avec un plan intelligent. Mutation en Dieu, fusion avec une énergie supérieure, comme vous voulez. Et lorsque l'humain s'approche du désassujettissement de la manipulation planétaire astralisée du ciel ainsi que du monde des morts. Comme j'en ai déjà parlé souvent, si vous avez des questions, après on va y revenir. Lorsque l'humain est conscientisé, il est attiré par l'intelligence, alors automatiquement sa vie va être déviée irrésistiblement malgré son ego, malgré sa mémoire, ça va shaker, ça va bouger. Il va se sentir perdu, il ne saura plus. Il va dire, je vais là. Puis la mémoire va dire, non, le cave, là, tu connais ça. Puis là, l'intelligence dit, oui, mais j'ai comme le feeling que laisse ton feeling, va t'envers. Ça crée des problèmes. Lorsque ça crée des problèmes, il vient un temps où votre chemin intelligent doit s'accomplir dans le temps. Lorsque ce n'est pas le temps, ça ne peut pas s'accomplir. Si vous devez acheter la compagnie Norbert, il faudra attendre qu'elle soit en vente et qu'elle cesse de faire des profits. Il faudra attendre que les dirigeants ou les actionnaires veulent bien la vendre. Vous ne pouvez pas l'acheter avant son temps. Si vous voulez acheter une bicyclette à votre enfant et le voir dandiner dessus, il faudra attendre qu'il y ait un peu plus que 6 mois. Sinon, il va dans du neuf. Chaque chose se fait lorsque le temps est là. Et ça, l'humain ne le comprend pas. Lorsque le Nazaréen disait « Mon heure n'est pas venue », c'est ça que ça voulait dire. On me demande de temps en temps « Pourquoi ne faites-vous pas des conférences à la place des arts ?» C'est pas le temps. Je sais que si je fais une conférence à la place des arts, je vais remplir. Pourquoi? Parce que lorsque l'humain va juste savoir que Daniel Kim est à la place des arts, ils vont se dire à la place des arts, mais merde, il doit être bon. Et non. Il n'est pas plus bon, mais la place des arts donne l'impression que c'est bon. Puis là, le monde se garoche pour venir voir. Et un jour, je vais leur prendre un piège comme ça. C'est pas le temps. Les choses viennent quand c'est le temps. Et ça vient toujours facilement. Lorsque le bonhomme ou la bonne femme ou l'enfant commence à chercher comme ça, là, ça commence à pisser partout. Les voisins, sa douce moitié ou son doux moitié, commencent à avoir des problèmes. Ils disent que la boussure. Mais regardez ce qui se passe. Il arrive ceci. Ce papier blanc ici est l'endroit où votre vie croche doit maintenant toucher à la vie intelligente où vous allez commencer à voir clair. Sauf que si vous êtes placé ici, eh bien, si vous continuez à évoluer comme vous le faites, vous allez traverser votre chemin de vie avant le temps. Alors, il passe ceci de très, et c'est un terme merveilleux, très chiant. C'est pas souffrant, c'est pas triste, c'est pas... Non, c'est chiant. C'est merveilleux. C'est drôle, mais c'est un terme impeccable, un terme québécois. Lorsque vous approchez, c'est compliqué. Lorsque vous approchez, votre vie chemine lentement pour vous rejoindre. Vous allez brouter jusqu'au moment donné. Vous allez dire, il me semble que ça vient. Cette année, c'est mon année. Oui, tu perçois. Mais c'est pas le temps. La personne décide de le faire tout de suite et elle se casse la gueule. Attendre. Une attente active. Et ça, on va y revenir. Alors, le temps avance lentement, et à un moment donné, tout semble se défaire. Tout semble fonctionner, tout semble se libérer, tout semble marcher. On avance de 1, 2, 3, 4 pas, comme ça. Et on recommence à être bloqué. Tous les mécanismes temporels ne sont pas encore arrivés. C'est pas éclos. Alors, la majorité des humains ne comprendront pas ce qui arrive. Et lorsque je parle de la fusion, je peux aussi parler de n'importe quel mécanisme. Je connais des personnes, moi, qui ont essayé de venir ici au centre de l'universalité pour m'entendre à une conférence et qui ont essayé pendant presque, je crois que c'est 8 ou 9 mois, et qui n'ont jamais réussi à venir. Certaines ont décidé de ne plus venir parce qu'ils n'avaient pas à venir. Pas parce qu'ils ne sont pas assez évolués, parce que leur forme de pensée n'est pas en résonance avec ma forme de langage. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas venir. Ils vont comprendre ce qu'ils ont à comprendre en écoutant une autre forme de langage. Et c'est normal, c'est correct, c'est bien. D'autres personnes ont soudainement pu venir. Et ils disent, c'est drôle, mais j'ai comme, eh oui, c'était le temps. C'est tout. Certains viennent une fois, deux fois, et ne reviennent plus. Ils avaient, et ils sont venus chercher que ce qu'ils avaient besoin. La chose, ou chaque chose, se fait en son temps. Lorsque l'humain dit, alors, à quoi ça sert de précipiter? Si j'ai à guérir, je vais guérir. Pourquoi prendre des médicaments? Si j'ai à évoluer, je vais évoluer. Alors, pourquoi aller à des conférences? Eh bien, justement, si vous avez à guérir, vous allez guérir. Vous allez rencontrer le médecin ou la médecine qui va vous guérir. Mais si vous ne prenez pas de médicaments, même si vous avez à guérir, vous ne guérirez peut-être pas. C'est ça l'attente active, à être toujours disponible à agir. Mais sans vouloir à tout prix agir lorsque on découvre que ça ne peut pas fonctionner. La maladie est un des grands facteurs évolutifs de l'humanité. La maladie est un facteur qui qui embête l'humain et qui, malgré que c'est un facteur qui supplie le manque d'intelligence, le manque de savoir instantané, pour bloquer l'humain, pour que l'humain prenne un break, pour que l'humain se repose, ou pour que l'humain nourrisse l'astral collectif de façon à faire payer, ou de façon à payer, à supporter une partie de l'ensemble karmique collectif. Lorsqu'une personne a un accident d'auto qu'il reste handicapé pour sa vie, il assume le karma de notre société. Il paye pour tout le monde. Et il est normal que notre société paye pour lui, lui fournisse des choses. Bâtisse des trottoirs pour lui, des chaises roulantes, qu'elle paye, qu'elle finance, qu'elle crée des organismes. Et si ce n'est pas le gouvernement, la société va le faire. Alors on a s'entraide, alors on a ceci, alors on a cela. C'est normal. Et ça, c'est une maladie physique, l'accident. Les maladies karmiques planétaires sont des maladies qui sont virales pour la plus grande part. Toutes les maladies vénériennes sont des maladies karmiques planétaires. Toutes les maladies pulmonaires sont des maladies karmiques planétaires. La grippe, le rhume, la pneumonie, la tuberculose, etc. Maladie karmique planétaire, cela veut dire que vous restez trop intimement relié à votre mémoire génétique, à votre mémoire ancestrale, à votre mémoire traditionnelle, à votre mémoire familiale, à votre famille. C'est ça que ça veut dire. Lorsqu'une personne coupe énergétiquement, pas lorsqu'une personne sac son camp, lorsqu'une personne coupe énergétiquement avec sa tradition, avec sa famille, avec son passé, lorsqu'elle accepte de renaître réellement. Ça a l'air bien con de dire « Les maladies vénériennes ne la pogneront plus, même si elle couche avec un débile qui te pogne avec ça. » Non. Si elle couche avec une personne qui est pleine de maladies vénériennes, qui les a toutes une par-dessus l'autre, syphilis grimpante en passant par la gonorrhée, tout cela, elle a de fortes probabilités de l'attraper. Pour la faible raison qu'elle fait l'amour, comme l'humanité a toujours fait l'amour, par besoin psychologique. Lorsque l'humain se coupe de ses mécanismes ancestraux planétaires, il se coupe de ses maladies. Avez-vous une raison intelligente de rester avec la personne avec qui vous restez? Avez-vous une raison intelligente d'être en santé? Et là est la solution. Elle est simple. Tellement simple que partout où je la dis, elle ne reste pas. Avoir une raison intelligente d'être en santé. Une raison émotive majeure d'être en santé peut amener la guérison. Peut. Très rarement. Le médecin sait très bien qu'une personne qui veut guérir a plus de chances. Ça va de soi. Et une personne qui soudainement décide d'haïr quelqu'un à vouloir le tuer peut guérir drôlement rapidement. Et elle peut même vivre 10 ou 15 ans de plus malgré un cancer terminal pour pouvoir assouvir sa haine. Et une personne qui soudainement décide d'être millionnaire, d'être un empereur sur la planète. Une personne qui soudainement décide d'avoir des projets immenses. La résonance mentale dans sa psychologie astrale de ce projet peut faire en sorte d'augmenter son taux vibratoire vital à un point tel qu'elle va se guérir. Mais c'est très rare, il faut avoir une maudite motivation. Une raison intelligente d'être en santé. Une. Ça ne demande même pas de la motivation, c'est de la compréhension. Voir l'absurdité de son état actuel, ce n'est pas suffisant. Voir l'intelligence de l'amélioration, c'est suffisant. C'est aussi pesant ou léger que de dire « Ayez la foi et vous transporterez les montagnes ». C'est aussi con et aussi cave que de dire ça. Et comme ça, ça marche. Une raison intelligente. La grande part des maladies chez l'aide qui se conscientise n'ont pas besoin d'être là. Elles n'ont pas de raison fondamentale d'être. Elles ne sont présentes que parce que celui qui se conscientise ne comprend pas l'intelligence de ce qui lui arrive ou de ce qu'il fait. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Au niveau de la conscientisation, il ne comprend pas ce qu'il fait. Il cherche. Celui qui cherche sera malade. Celui qui cherche trouve. Oui, trouve pas toujours ce qu'il cherche, mais il trouve. Et celui qui cherche sera malade. Montrez-moi un humain qui cherche depuis plusieurs années et qui est en santé. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je ne dis pas un qui étudie la Bible depuis plusieurs années, je dis un qui cherche. Pas un qui a tout trouvé et qui trouve tout le temps. Là. Un qui cherche. Montrez-moi un humain qui cherche depuis plusieurs années, depuis 10 ans ou plus, et qui n'est pas malade. Et je vous montrerai un homme nouveau. Une personne qui a su arracher sa peau pour pouvoir permettre à ce qui est en dessous de pouvoir sortir et d'exprimer. Alors, la personne qui cherche sera malade. Et c'est déjà d'ailleurs parce qu'elle cherche qu'elle est malade. La semaine dernière, une personne me disait, elle me demandait à propos du programme Maître Contrôleur si c'était vrai que si rapidement que ça, on pouvait arriver à ça. Alors moi, je lui répondais, ça dépendait des personnes. Alors elle dit, je comprends bien, tout s'achète. Je trouvais intéressant sa forme de sa situation psychologique. Elle m'a dit qu'elle enquêtait pour quelqu'un qui voulait s'inscrire au PMC. C'est intéressant. Tout s'achète. On peut acheter tout. On peut même acheter l'évolution. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie? N'est-ce pas que vous souffrez? N'est-ce pas que vous êtes malade de temps en temps? N'est-ce pas que vous êtes orgueilleux? N'est-ce pas que vous regrettez? N'est-ce pas que vous cherchez? Est-ce que c'est gratuit? Quand une personne perd un membre de sa famille, elle paye. Quand une personne perd sa santé ou sa jeunesse, en se brûlant à l'expérience de la vie, elle paye. C'est-à-dire qu'elle achète la connaissance. Lorsqu'elle va à l'école, on dit que c'est de l'école gratuite jusqu'à l'université, puis après, ben, on tente plus ou moins de faire semblant de baquer. Bon. Oui. Mais l'enfant qui était à l'école gratuitement jusqu'à l'âge de 18 ans, qu'est-ce qu'il a fait de sa jeunesse? Il a acheté la connaissance avec sa jeunesse. Tout se vend, tout s'achète. Oui. Oui. Acheter à la bonne place peut coûter moins cher. Acheter en différé coûte en intérêt. Celui qui veut se bâtir une automobile pour économiser, ça peut lui coûter pas mal plus cher que s'il l'achète. Ça peut avoir plus de problèmes. Et s'il a la connaissance, il peut économiser en maudit. Ça dépend des personnes. Comprendre, chercher. Une raison intelligente. Et vous êtes déjà sur un chemin tout à fait différent. Tout à fait différent. Le problème, qu'est-ce qu'une raison intelligente? Je te pose la question, réponds, je vais boire un peu. Pour moi, une raison qui serait intelligente, c'est parce qu'en même temps que tu me demandais ça, tu vois, j'avais une question dans la tête. Pose ta question. OK. Chaque être humain sur la planète a une tonalité, une vibration à rayonner. Jusqu'à quel point tu peux t'écarter de cette vibration-là ou du chemin, comme tu disais tantôt, avant qu'apparaisse la maladie? Bon. Ce bonhomme-là, il a un chemin méridial, c'est-à-dire qu'il y a une forme de méridien qui le porte à se diriger bêtement, naturellement parlant. C'est sa vie. Ce gros bonnet-là, lui, il a une vie qui l'amène à se diriger comme ça, par là. Et l'autre, pardon, cette femme, elle a aussi une forme énergétique qui l'amène à se diriger par là. Si ces deux se marient, ils risquent de rester mariés. Je dis mariés comme ça, là, mais enfin, si, ça cote. Légalement, religieusement ou sournoisement, ils devraient être capables de vivre toute leur vie. Et mais il y a ce personnage qui traverse la vie et qui, lui, se dirige par là. Étant donné que l'être humain est collectif, qu'est-ce que c'est être collectif? Ça veut dire que si lui va par là, ben lui, il se dit, merde, peut-être qu'il se par là, faut aller. Et lui qui s'en va par là, ben il rencontre les deux ici qui s'en vont par là, et il se dit, peut-être c'est par là, faut aller. Alors lui, il se tasse un peu, les autres se tassent un peu, tout le monde est content, puis il n'y a plus un qui va à sa place. Ça, c'est l'évolution collective de l'humain. Alors, l'humain, jusqu'à quel point peut-il arriver à être en désharmonie avec sa propre vie? Tout à fait, totalement. Il peut arriver à être totalement. Il peut arriver à s'en aller par là, quand en réalité, il devrait s'en aller par là. Il peut même arriver à s'en aller dans le sens opposé, tandis qu'il devrait aller de l'autre côté. Tout à fait dépendant, premièrement, de quelle façon il se collectivise, de quelle façon il accepte l'assujettissement collectif, de quelle façon il est traditionnel, donc conservateur, de quelle façon il est régi par la pensée collective. Et c'est pourquoi, lorsque je dis que lorsque l'humain rentre dans sa propre intelligence, moi, j'en verse un peu parce que j'aime pas mouiller, lorsque l'humain rentre dans sa propre intelligence, automatiquement, il se dirige là où il doit aller. Alors, l'humain ne se demande plus, l'humain ne cherche plus, l'humain sait. Sauf que lorsque nous nous dirigeons en gang, tous ensemble vers la même chose, et que l'on dit « je sais », tu ne sais pas. Parce que si j'élimine toute ta gang, tu vas douter. Alors, celui qui est dans une religion organisée, dans une philosophie organisée, dans une mentalité organisée, dans une école organisée, organisé dans le sens de la conscience, automatiquement, il ne peut pas savoir où il va. Il va dire « je sais où je vais où les autres vont ». Mais lui, il ne dira pas ça, il va dire « je vais vers la porte numéro 4 ». C'est sûr, tout le monde dit « aller vers la porte numéro 4 », alors il va dire « aller vers la porte numéro 4 ». Et si on lui dit « oui, mais tout d'un coup, que… » Non. Non. Il ne voudra rien savoir, il ne voudra pas envisager la possibilité que peut-être il se trompe, tandis que l'homme nouveau qui s'en parle là, lui dit « écoute, tu te trompes, oui, ça se peut, mais si je le vois, moi, je change de place. Pour l'instant, je ne le vois pas, je continue. » C'est très, très, très simple et l'humain peut se dégager totalement de son chemin parce qu'il se collectivise. Et ça, c'est simple, c'est qu'on a des auras, n'est-ce pas? Et on émet de l'énergie, on émet un paquet d'ondes. Et chaque fois qu'on est dans une société, d'ailleurs l'humain ne peut pas faire autrement que vivre dans une société parce qu'il a besoin de l'énergie des autres pour se transmettre la connaissance, mais ça, c'est l'humain de l'homme ancien. L'humain interfère. Chaque fois que tu places deux aimants l'une à côté de l'autre, automatiquement, les champs magnétiques des deux aimants vont être perturbés. Tu n'as plus les aimants aussi purs. Je disais que si on attachait deux oiseaux l'un à l'autre, on avait quatre ailes, mais il n'y a rien qui volait. C'est le même mécanisme. Et cela ne veut pas dire que toi et moi, vu qu'on est côte à côte, automatiquement que nous nous perturbons. Mais veux pas, nous allons nous ajuster. Et si je reste intelligent et individuel dans mon intelligence, et que tu fais la même chose, même si on s'ajuste dans l'expression évolutive de la planète, donc dans nos corps physiques, dans notre langage, dans nos questions, ce soir, tu me parles pas de bateau, on est d'accord pour faire un travail, notre union est limitée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas éternelle, on a accepté de faire cela pour l'instant, et nous sommes nos seuls maîtres, c'est-à-dire que lorsque c'est fini, tu t'en vas chez vous, tu oublies, tu es toi, tu restes toi, tu fais ce que tu as à faire. Et moi, je suis moi, je ne veux plus rien savoir de toi. Je suis tout à fait moi. Lorsqu'on se rencontre tous les deux, s'il y a quelque chose à faire, on le crée. S'il n'y a rien à faire, on ne le crée pas. On n'est jamais malheureux. On n'est jamais jaloux l'un de l'autre. On ne s'ennuie jamais l'un de l'autre et on adore se rencontrer. Etc. Pour la simple raison que je te permets d'être toi. Et tu me permets d'être moi. Vu que nous nous respectons, nous pouvons être ensemble. Si chaque fois que tu as une idée, je te dis « Ben non, c'est pas correct. » Tu dis « là, oui, non, ça n'a pas d'allure. T'es bien niaiseux. » Je veux te forcer à devenir moi. Je ne te respecte pas, je veux te tuer. Et comme l'humain est collectivisé, l'humain intelligent individuel n'existe pas pour l'instant, à peine. Il est en train de naître, mais il y a des résistances, évidemment. Alors, automatiquement, il y a des mécanismes de problèmes, il y a des paramètres limitatifs qui obligent l'humain à être collectif. Lorsque l'humain est dans son intelligence, là, l'humain peut commencer à envisager qu'est-ce que c'est qu'une raison intelligente. Et la maladie, si on en parle au niveau de la perte d'énergie vitale, je te donne un exemple que je trouve. J'ai vu cette semaine quelqu'un qui parlait d'une montre solaire, puis il disait, si la montre est exposée 5-6 minutes à plein soleil, elle garde d'énergie pour 48 heures. Si elle est exposée et que le temps est nuageux, ça prend une demi-heure. Et si c'est de l'énergie artificielle, comme des lampes ici, ça prend 12 heures, puis à fin, 48 heures pareil. Donc, c'est un peu comme l'homme, ça, l'homme ancien qui a besoin de référer à travers de la connaissance artificielle, ça prend plus de temps pour en arriver au même résultat, tandis que l'autre, au niveau de l'énergie vitale, ne peut jamais presque être malade s'il va à plein soleil, pleine énergie vitale. Mmh. L'exemple est bon. Il faut comprendre que quand je disais à un de mes amis qui est médecin que 99% des maladies sont psychosomatiques, lui me disait qu'en réalité, c'était 100%. Bon. L'humain a une psychologie, ce que j'appelle, moi, de l'astral. La psychologie, c'est les mécanismes de relation dans le monde astral. Le monde astral est constitué de la mémoire. Il est constitué de l'émotion et des désirs. Ça, c'est l'astral. La relation entre les désirs, l'émotion et les mémoires, c'est la psychologie. Alors, on peut avoir des mécanismes de psychologie qui sont faux, des mécanismes de psychologie qui sont vrais, des mécanismes de psychologie qui sont compliqués, des mécanismes psychologiques qui sont simples, donc dépendant des humains. Et cela ne regarde pas nécessairement leur mémoire, leurs émotions ou leurs désirs, mais plutôt de quelle façon la relation se fait entre ces mécanismes. L'humain est donc constitué de ces trois choses. Il est constitué évidemment d'un corps vital qui est la vie, qui permet la mémorisation cellulaire, donc la constitution en forme. Il est aussi constitué d'une énergie intellectuante qui s'appelle mentale, qui n'a pas d'émotion, qui est capable de se servir des mémoires pour répondre sans émotion aux désirs de la psychologie. Alors l'énergie mentale, il a ça de supérieur en efficacité à la psychologie astrale, c'est qu'il ne fait pas référence aux émotions. Lorsque l'humain n'est pas suffisamment conscientisé dans son plan mental, l'humain ne régit sa vie qu'à partir de sa psychologie, donc à partir de la relation entre les mémoires, l'émotion et le désir. Il désire ceci parce que c'est la porte de l'émotion. L'émotion, il sait que c'est la porte de l'émotion et comment arriver à assouvir ce désir, il fouille dans les mémoires pour savoir qu'est-ce qui a déjà mené cette émotion-là. Alors, il essaie de recréer dans la vie neuve des choses qu'il a déjà vécues dans le passé. Et c'est pourquoi il a toujours des problèmes. Bon. Lorsque l'humain est assujetti par le plan astral, lorsque l'humain n'est qu'un contexte mémoriel émotif désir, et ça, c'est beaucoup de monde. Et même celui qui présentement est dans la salle ici, celui ou celle, vit souvent que de cette façon, d'une façon psychologique. Parce qu'il a des rechutes. Alors, il a de temps en temps des pointes de conscience mentale. Le mental lui dit, hey, il me semble que... Mais bon, ça c'est le début. C'est l'homme transitif, c'est la femme transitive, c'est l'enfant transitif. C'est parfait. Lorsque l'humain n'est régi que par le plan astral ou est régi en grande quantité par le plan astral, ce qui va arriver, c'est que l'astral, pour se nourrir, a besoin d'énergie vitale. Alors, elle va puiser dans le corps vital. Lorsque l'humain ne vit que du contexte psychologique, donc du contexte astralisé, mémoire, émotion, désir, il puise dans le corps vital, ce qui fait que dans le corps physique, ça se répercute par une faiblesse. Cette faiblesse peut être marquée génétiquement par la constitution séraphique de l'enveloppe de l'âme, mais elle peut aussi être marquée par l'éducation du milieu, la génétique sociale, l'éducation du milieu. Donc, l'humain peut lentement apprendre à suctionner tellement d'énergie vitale pour arriver à vivre dans le même cadre social, émotif, psychologique, mémoriel et désir des autres. C'est normal que tu désires telle chose. Alors, si tu n'as pas suffisamment d'énergie pour toutes les désirer, tu vas, pour pouvoir tenir un standard de vie psychologique collectif comme tout le monde, puiser toi aussi dans ton plan physique, alors tu auras un standard de maladie physique comme tout le monde. Celui qui ne désire rien, si on regarde celui qui est berger dans un champ, apporte certaines maladies qu'il va attraper directement de ses moutons, il n'a pas d'autres maladies. Il n'a presque pas de maladies. Mais c'est quoi ses désirs? Ben, que ses moutons aient de la belle laine, qu'il n'y ait pas trop de loups, de renards ou de coyotes, qui s'en fout. Des maladies cheap-cheap. Des maladies cheap-cheap, oui. Il n'aura pas de maladies. Il n'a pas de désirs. Par contre, si on va dans un peuple, dans un pays qui souffre énormément, des pays en voie de sous-développement, des pays qui guerroient régulièrement, des pays qui vivent de l'émotion, ou des pays qui vivent de la haute spiritualité. Donc, habituellement, les pays en voie de sous-développement ont plusieurs religions, et chaque individu s'adonne à plusieurs religions. Alors, ils vivent une haute spiritualité, ils ont besoin d'énergie pour rester là, pour vivre le standard collectif. Eux vont être plus malades. Et plus on va vers une société qui permet de l'émotion, du désir et l'accumulation mémorielle, regardons la nôtre, où tu regardes la télévision, tu as des choses à apprendre, tu peux mettre de la connaissance comme Léonard de Vinci n'a jamais réussi à en imaginer. Tu as des désirs et on te permet de désirer. On a une société de désir, une société de consommation, qui te permet de désirer d'une façon absolument incroyable. Et évidemment, tu as de l'émotion parce que dans cette société de consommation, il y a tout pour créer et gérer de l'émotion. Que ce soit encore la télévision, les films, que ce soit, etc. Alors évidemment, il y a plus de maladies. Il n'y a pas plus de maladies parce qu'on dit le stress rend malade. Non, le stress, c'est le symptôme de la maladie. Le stress ne rend pas malade. C'est comme si on dirait la maladie rend malade. Ben oui, c'est bien évident. La maladie rend malade. Et si tu n'as pas de maladie, tu n'es pas malade. Mais la maladie, c'est le fait d'être malade. Comme le stress, c'est le fait d'être stressé. Et le stress, c'est déjà le symptôme d'un début de maladie. Le stress ne rend pas malade. Le stress ne nuit pas à l'humain. C'est ce qui nuit à l'humain qui crée le stress. Il faut le voir dans le bon sens. Alors, si l'humain arrive à régir, si quelque chose chez l'homme arrive à régir son plan psychologique. Pour qu'il ait moins de désirs, moins d'émotions et moins de mémoire. Donc, pour que ce contexte, pour que cette âme suce moins d'énergie dans le plan vital, donc pour que lui aussi, l'humain se décollectivise, alors automatiquement, il n'aura plus besoin, il ne sera plus attaché à cette recherche du standard de vie psychologique, émotive, de connaissance. Et d'érudition et de désir de l'ensemble. Il s'en fout, il devient humble. Si l'humain n'est plus régi totalement, intégralement ou supérieurement par ce contexte émotif de mémoriel et de désir, alors automatiquement, il va être régi par le plan mental. S'il est régi par le plan mental, il devient ce qu'on appelle dans le PMC son seul maître. C'est-à-dire qu'il n'est plus régi par la mémoire, donc il ne peut plus être collectivisé, c'est-à-dire qu'il ne peut plus être régi par tout ce que l'extérieur lui a donné comme éducation dans la mémoire. C'est par la mémoire que l'humain est collectif. Si tu n'as pas de mémoire, tu ne penses pas comme les autres. Tu ne désires pas les choses comme les autres. Tu ne connais pas les émotions que les autres connaissent. Tu vas connaître ce que tu vas connaître maintenant. Tu ne désireras pas avoir un chat, avoir ceci, avoir cela, comme tout le monde. Tu n'auras pas le standard. Je me rappelle au Pérou, tout le monde voulait manger du poulet. Mais il y avait rien que du poulet. Dans la jungle, on pêchait le piranha. Tout le monde voulait manger du piranha ou du singe. On pêchait pas le singe, mais on chassait. Et si on en va au Guatemala, ben là, sur le bord de la mer, on veut ramasser d'autres choses. Et si on vient ici, ben là, on va avoir d'autres choses. Il y a un phénomène de standard de vie psychologique. Et c'est ce standard de vie psychologique qui est permis par la mémoire, qui crée la maladie dans la majorité des cas, à part les maladies physiques, les accidents. Si l'humain est régi par le mental, s'il devient son seul maître, cela veut dire... Qu'est-ce que c'est être son seul maître? Cela veut dire que tout ce que j'ai appris comme éducation ne vient plus décider ma vie. Je n'ai plus peur de verser de l'eau, ça ne me dérange plus. On m'a toujours dit, mais je n'ai plus peur. Je mange avec mes mains si ça me plaît, si je trouve que ça goûte mieux. Mais bon, si je vais dans un grand party, bien évidemment, je veux pas que tout le monde dorme pas le reste de la nuit, alors je mange avec ma cuillère, on appelle ça de l'hypocrisie, ou de la diplomatie, ou de la politesse, on fait la même chose. Mais je suis capable de m'ajuster. Mais quand je suis seul, je n'ai pas de problème. Alors, donc, je suis mon seul maître, c'est-à-dire que je vais avec la résonance que j'ai par rapport à la vie, non plus partir de l'éducation, donc du milieu, de la mémoire. Et ça, c'est déjà une chose, je suis mon seul maître. L'émotion est régie aussi par la mémoire, c'est-à-dire ce que j'ai accumulé. Je sais ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Mais j'ai changé, mais je ne sais pas que j'ai changé. Alors, je veux recréer dans l'avenir ou dans le présent des choses que j'ai vécues dans le passé. Je veux créer une continuité dans le temps de choses que j'aime présentement. Et ça, c'est un problème. Si je suis mon seul maître, non. Lorsque je ne vois pas de fleurs, je ne vois pas de fleurs. Je ne me dis pas, les pauvres fleurs qui poussent dans la forêt et que personne ne trouve belles, que personne ne sent et que personne ne photographie, ils doivent être tristes en maudit. Tout le beau bruit majestueux des vagues perdues sur les plages du Sahara où il n'y a personne. Ben oui, mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Alors, ça ne me touche plus. Je suis mon seul maître. On va peut-être revenir lors de la deuxième partie sur ce que c'est qu'avoir une raison intelligente. C'est important. Où est la porte de sortie pour quelqu'un qui ne peut plus supporter la vibration de son travail, mais doit le conserver pour des questions financières et pendant ce temps souffre de troubles thyroïdiens avec ce tremblement vide complet? Bon, la personne doit cellulariser la raison intelligente de pourquoi elle travaille et elle ne sera plus malade de son travail. Cellulariser, cela veut dire qu'elle doit comprendre l'intelligence et non pas, elle ne doit pas avoir de raison intellectuelle de travailler, elle doit avoir une raison intelligente de travailler. Si elle a une raison intelligente de travailler, cela veut dire que c'est cellularisé. Si elle cellularise une raison intellectuelle de travailler, elle la rend intelligente. Cellulariser, c'est un terme que vous ne trouverez pas dans le dictionnaire, qui veut dire conscientiser à un point tel une connaissance ou une information ou un savoir que chaque cellule le sait. Cela veut dire que c'est transmissible par la génétique. Lorsqu'une personne sent, vibre, transpire le pourquoi elle travaille, elle n'est pas malade de son travail. Lorsqu'une personne a une raison intellectuelle de travailler, elle peut être malade, parce que la raison intellectuelle est un ajustement créé par l'ajusteur de pensée. Par l'ajusteur psychologique qui essaie de donner une raison émotive, une raison apparemment logique, mais émotive, à la psychologie pour que celle-ci continue à accréditer le fait de travailler là. Une raison intelligente, disons par exemple, gagner de l'argent. Gagner de l'argent peut être une raison intellectuelle de poursuivre le travail, et ça peut être une raison intelligente de poursuivre le travail. Alors, une raison intellectuelle peut être la même chose qu'une raison intelligente au niveau de ce qu'elle va être, au niveau de ce qu'elle va exprimer, mais pas au niveau de la vibration de l'individu qui la vit. Travailler pour passer le temps, travailler pour gagner de l'argent, c'est deux raisons qui peuvent être soit intellectuelles, soit intelligentes. La personne va se libérer de son problème lorsqu'elle aura une raison intelligente de poursuivre son travail. Et la raison intelligente peut être la même chose que sa raison intellectuelle. sauf qu'elle ne devra plus rester que dans sa tête et dans sa lèvre, dans ses bouches, dans sa bouche, dans ses lèvres. Elle doit descendre au niveau de son cœur, elle doit descendre au niveau de ses tripes, elle doit être cellularisée. Elle doit dire qu'elle travaille. On peut presque dire, mais c'est dangereux. Ouais, je vais le dire, mais c'est pas ça. Je vous mets assez en garde pour qu'en fin de compte, ça ne se fasse plus grand-chose que je le dise. Mais disons que la personne doit avoir comme fonction ou comme mission, et c'est le mot mission qui pue, que celui de travailler, d'accumuler suffisamment d'argent pour pouvoir exister, sinon vivre, d'accumuler suffisamment d'argent pour pouvoir s'instruire, pour pouvoir se suffire matériellement pour tendre à une libération de la matière, de l'assujettissement à la matière. Lorsque la personne décide que, première chose, c'est évident qu'elle a besoin de manger. Elle peut être sur l'assistance sociale, mais elle n'aura pas l'énergie. L'assistance sociale donne de l'énergie financière, mais elle ne donne pas d'énergie d'évolution. Pour la grande majorité des assistés sociaux. Pas pour tous. Il y a un contexte bizarre. Si je le dis comme ça, c'est spirituellement dit, tous ceux qui ont besoin de l'assistance sociale reçoivent en même temps de l'énergie pour leur permettre leur évolution. Tous ceux qui n'en ont pas besoin, mais qui l'exploitent, ont de l'énergie financière et c'est tout. Et je pourrais expliquer d'une façon cosmique la mécanique de ce fait, mais c'est un peu long. Je spécifie simplement pour que les assistés sociaux qui y ont besoin ne se sentent pas touchés par ce fait et pour que ceux qui n'ont pas besoin se sentent touchés pour commencer à se grouiller les fesses. Celui qui a un travail et que le travail le détruit lentement apparemment, c'est parce qu'il n'a pas de raison intelligente de le poursuivre. Il a peut-être une raison intellectuelle, mais il n'a pas de raison intelligente de poursuivre son travail. Si cela devient vital pour lui de travailler autant qu'il a besoin d'air, il ne sera plus malade de travailler. Dernière question ici sur la maladie directement, là, si tu veux. Comment pourriez-vous expliquer les causes d'une maladie vitale comme le cancer? S'il y en a, comment y remédier? Bon, le cancer, c'est la folie furieuse de la mutation neurologique, biologique, physique, organique de l'humain qui traverse une phase d'homme ancien vers la phase de l'homme nouveau, une mutation qui normalement doit être centrée presque exclusivement au niveau cérébral ainsi qu'au niveau laryngé. Et lorsque l'ego lutte d'une façon monstrueuse ou magistrale contre cette mutation qu'il subit consciemment ou inconsciemment, il oblige automatiquement l'énergie mutative à s'exprimer un peu partout, de n'importe quel genre de façon à l'intérieur du corps physique de l'homme, ce qui opère une mutation des gènes de certaines formes de cellules. Automatiquement, cela permet une prolifération non contrôlée, difficilement contrôlable de ces cellules, ce que nous appelons un cancer. Cela amène une mutation génétique qui oblige les cellules à se reproduire, à procréer, comme elles ne sont pas appelées à le faire par l'énergie vitale. Il y a évidemment une forme de cancer qui est beaucoup plus régie par la peur qu'a l'humain de vieillir, ce qui déclenche chez lui un mécanisme de reproduction incontrôlé de ses cellules, créant des tumeurs ou des tumeurs cancéreuses, créant ce genre de cancer. Disons que la majorité des humains qui vont avoir le cancer dans les décennies qui viennent sont des humains qui luttent et qui résistent à la mutation cérébrale et automatiquement, elles vont exprimer les résultats maladifs de cette mutation d'une façon incoordonnée au niveau du corps physique. L'énergie supramentale est de l'énergie éthérique, donc l'énergie vitale non terrestrifiée, et l'énergie vitale qui maintient la vie et qui permet la prolongation de la vie, soit par la reproduction, soit par l'élongation même de la vie d'un corps, et de l'énergie supramentale terrestrifié. Lorsque le contact supramental se fait avec l'homme transitif, automatiquement, il amène de l'énergie vitale qu'il aura tendance à terrestrifier, donc à amener au plan vital de la planète, l'énergie vitale que l'on connaît, celle qui permet au magnétiseur de guérir, par exemple. Et lorsque l'énergie supramentale est refusée par l'ego, elle peut être transformée en différentes formes de pathologie par celui-ci, par l'ego. Et il va opérer une mutation de l'ordre vital du corps physique. Et comme c'est l'énergie vitale qui permet la mémorisation génétique de ce qu'une cellule doit faire, lorsque la mémorisation génétique de ce qu'une cellule doit faire est oubliée, transformée ou perdue, alors automatiquement la cellule devient folle, elle ne sait plus ce qu'elle doit faire. Aussi bien l'énergie radioactive peut obliger une mutation vitale, donc physique. On sait que l'énergie radioactive, si elle ne mute pas nécessairement extérieurement une personne, mute presque obligatoirement sa descendance. Elle agresse la mémoire vitale de chaque cellule, donc elle agresse l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, ce qui permet la création de... Enfin, je suis en train de me perdre dans la médecine. C'est ça quand on s'écoute trop parler. Ce qui va finir par transformer le système génétique des personnes pour obliger la descendance à être des mutants involutifs et involutifs. Lorsque l'énergie supramentale oblige l'humain à une mutation neuronique, si l'humain résiste trop par son orgueil, donc par son ego, si l'humain n'est pas assez humble, si l'humain ne sait pas agenouiller son ego face à son esprit, il peut y avoir des répercussions métaboliques, des créations de formes de cancer. Petite question sur la radioactivité que tu viens de parler. Plus un individu est proche d'un foyer radioactif, plus le nombre de chocs par seconde est fort, plus il s'éloigne, moins il est fort. Si on compare à ça un individu, plus, à un moment donné, l'individu qui se conscientise reçoit de plus en plus de chocs par 24 heures. À un moment donné, il ne peut plus le prendre, un peu comme le même processus que la radioactivité. C'est intéressant, toi, Swartz. Je t'en plais ça, c'est identique, c'est pareil. L'énergie radioactive, disons que qu'est-ce qui est proche de l'énergie vitale? Il y a le feu. Le feu est proche de l'énergie vitale, c'est pourquoi on brûlait les sorcières lorsqu'on les brûlait vivantes, parce que lorsque la sorcière était brûlée vivante, elle avait encore son corps vital, elle avait donc encore son enveloppe séraphique, c'est-à-dire son périsprit, l'enveloppe de l'âme, donc on pouvait détruire immédiatement tout ce qui pouvait servir à la création ectoplasmique des fantômes qui permettrait à la sorcière de pouvoir revenir hanter ceux qui l'ont tué. Alors, on brûlait la sorcière vivante. Bon, le feu. Le feu est proche de l'énergie vitale et il peut le muter, donc le détruire. L'électricité est proche de l'énergie vitale. Elle peut aussi le détruire. La radioactivité, très, très, très proche, c'est encore plus proche. Là, je vais de façon graduelle. L'énergie radioactive est ce qu'il y a, dépendant évidemment des isotopes, est ce qu'il y a de plus près de l'énergie vitale. Suite à cela, il y a l'énergie vitale. Et au-delà de l'énergie vitale, il y a l'énergie supramentale. Les autres étaient des énergies inférieures à l'énergie vitale, mais tout à fait proches. Alors, c'est similaire. C'est parfait. Êtes-vous le disciple de quelqu'un? Si oui, pourriez-vous nous dire de qui et comment on peut le rencontrer? Ce que vous dites est formidable. Bravo et merci. Bon. Une bonne question. Êtes-vous le disciple de quelqu'un? Oui. Si oui, pourriez-vous nous dire qui, moi, et comment on peut le rencontrer? Ben, vous me rencontrez déjà. Bon. Non, je ne suis pas le disciple d'un autre humain biologique. Je ne suis pas le disciple d'un humain ou d'une entité astrale. Je ne suis pas le disciple d'un grand maître. Je ne suis pas le disciple. Alors, la continuité logique pourrait dire « je suis le maître ». Effectivement, je suis mon seul maître. Si oui, pourriez-vous nous dire qui l'esprit, vous avez un esprit, comment le rencontrer, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Bâtir des mécanismes qui vont permettre de vous canaliser ou de canaliser l'esprit, votre maître, et à un moment donné, vous allez finir par être votre seul maître. Comment le rencontrer? Il n'y a pas d'adresse. On le sent. On le pressent, on le perçoit, on le vibre, on le goûte. Et à un moment donné, on finit par le devenir. L'handicap est toujours le même handicap, c'est que des copies, des plagiats, des mémoires de tout ce que vous, de tout ce qui vous atteint sont mémorisées dans les contextes astraux, dans l'astral planétaire, dans le ciel, Et tout ce merdier essaie de prendre la place de votre esprit, vous faisant croire que vous êtes bien connecté et vous manipulant collectivement. Ce que vous dites est formidable, ça va. Que mal le rencontrer, c'est ça. C'est ce que vous faites. Continuez, lâchez pas. Lâchez pas, papa. Qu'entendez-vous par chercher rend malade? Ce que je veux dire, et non pas ce que j'entends, par chercher rend malade, je constate. Je constate simplement que tous ceux qui cherchent leur identité, que tous ceux qui cherchent ce qu'ils sont, que tous ceux qui cherchent véritablement d'où ils viennent, où ils vont, que tous ceux qui cherchent ont une première maladie. Ce n'est pas drôle, c'est un fait. On appelle cela une fièvre. Un chercheur a la fièvre. Bon, la fièvre du chercheur, on connaît. Et cette fièvre, et c'est un terme français qui est extrêmement approprié, il y a comme une augmentation de la température vitale du corps. Une augmentation de l'énergie ou de la vibration du corps vital. Il y a une augmentation, donc une évolution du corps vital, et cette évolution se transmet, aboutit par une évolution hautement massive du corps vital de l'homme, transmuant le corps vital ou la partie hautement évoluée en corps astral, ce qui revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, est une succion, une vampirisation du corps astral de l'âme dans le corps vital de l'homme. Cela veut dire que l'énergie vitale de l'homme qui doit rester telle qu'elle est obligée à évoluer. Il y a fièvre par celui qui cherche. Celui qui cherche a besoin d'énergie pour réfléchir. Il a besoin d'énergie pour emmagasiner. Il a besoin d'énergie pour se connecter à des mémoires ou à des maîtres ou à des guides ou à des plans astraux. Il a besoin d'énergie. Alors automatiquement, il oblige son énergie vitale à évoluer, c'est-à-dire qu'il prend de l'eau. Vous savez, lorsque l'eau est dans un radiateur d'automobile, elle a une utilité. Lorsqu'elle évolue, lorsqu'elle augmente en énergie, elle devient de la vapeur d'eau. Et la vapeur d'eau fait que votre moteur chauffe. Ça rend le moteur malade. Et si on ne pallie pas à l'eau qui est devenue vapeur dans le radiateur, ben à un moment donné, le moteur, il va se pogner. Ça va jammer en québécois. Et on a un problème de moteur, il faut changer le moteur. Si l'eau est involuée, donc si on baisse la vibration de l'eau par une technologie de pointe, en mettant, au lieu de mettre de l'eau, on met de l'antigel, qui aussi est un anti-ébullition, ébullitif. On augmente la pression dans le système de refroidissement pour empêcher ce liquide de bouillir. Alors on l'oblige à ne pas évoluer, à ne pas augmenter en énergie, et là, on préserve le moteur. C'est la même chose pour le plan vital. Celui-ci a une fonction présentement chez l'homme, et cette fonction, elle est de conserver la mémorisation biologique, cellulaire, génétique du corps. Si on oblige, par un mécanisme quelconque, l'évolution du corps vital, on rend le corps physique malade. Qu'entendez-vous par chercher en malade? Chercher continuellement oblige le corps physique à des pathologies, à devenir malade, à mal digérer, à avoir des problèmes articulaires, à avoir des problèmes de sommeil, à avoir des problèmes de respiratoires, à avoir des problèmes endocriniens, de l'anthyroïde, parfait, même chose. À avoir des problèmes au niveau des surrénales, à avoir des problèmes au niveau de l'ajustement entre l'insuline et le glucagon. D'avoir n'importe quelle forme de recherche, de chercheur, oblige automatiquement son corps à avoir certaines formes de maladies. La maladie la plus connue porte le nom de vieillesse. Chercher rend malade. Que pensez-vous de la guérison? Êtes-vous capable de guérir? L'homme nouveau sera-t-il un guérisseur? Très, très bonne conférence. La guérison, c'est lorsque l'humain a la faculté vitale de pouvoir transmettre de sa propre énergie vitale et de l'ajuster à la vitalité déficiente d'un autre. automatiquement, la mémoire perdue de l'autre, une mémoire cellulaire, est reformée par l'énergie, par la mémoire vitale de celui qui communique son énergie. Plus un être humain est évolué d'une façon réelle et non pas d'une façon plate, béatitude de spiritualité, plus qu'un être humain est évolué d'une façon réelle, plus il a la faculté de guérir. Cela veut dire que lorsqu'on s'approche d'un être humain qui a suffisamment d'énergie vitale ou d'énergie supramentale, veut pas, on commence à voir opérer chez soi une mutation, donc une guérison. Sauf que l'énergie de l'homme nouveau sera suffisamment focalisée, contrôlée par celui-ci, pour que tant qu'il ne verra pas d'intelligence dans la guérison, qu'il ne guérisse pas. Lorsque je parle du Nazaréen au niveau de la guérison, j'ai fait différentes conférences sur la guérison ésotérique et sur les maladies. Il n'a pas guéri toutes les malades de la Judée. Il a guéri que ceux qui pouvaient servir la prolifération de son message. Sauf lorsqu'on est venu le sucer en énergie. Et ça, on a aussi des exemples dans le livre qui est connu sous le nom de la Bible, le Nouveau Testament. Il n'a pas guéri toutes les malades, il a guéri que ceux qui devaient être guéris et que ceux qui avaient une raison intelligente par rapport à lui d'être guéris. Alors, il en sera de même pour l'homme nouveau, il en est de même pour moi. À un moment donné, il y a une personne qui a été connecté à des mécanismes supramentaux astralisés dans le ciel et qui a eu et qui a vu un maître et qui a vu une mémoire du Nazaréen se promener sur le contexte planétaire et qui a vu ce bonhomme guérir. Il a vu ce bonhomme guérir les autres, faire des miracles, guérir. Et il a vu ce bonhomme se dessécher. Il a vu ce bonhomme se dessécher à un point tel qu'il a fini par comprendre que l'humanité n'avait pas besoin de ce qu'il disait, mais que l'humanité ne recherchait que la guérison. Alors il a vu ce bonhomme sacrer son camp, mettre tout cela à terre, cracher sur l'humanité et disparaître. Parce que lorsqu'un homme a la faculté de guérir, l'humain ne veut plus l'écouter, l'humain ne veut plus rien savoir, l'humain ne veut que guérir. Alors l'humain vient le voir, l'humain se trouve guéri parce qu'il tête son énergie, et l'humain retourne faire sa vie de débauche, et l'humain se rend malade, et lorsque l'humain est redevenu malade, alors l'humain revient encore voir le bonhomme, et l'humain vient encore têter de l'énergie, et il repart guéri. Alors cet être humain qui a eu ce contact supramental astralisé dans les plans astraux du ciel, a écrit un livre sur ce bonhomme qu'il a vu, et ce livre s'appelle « Illusion ». Alors, c'est la même chose pour l'homme nouveau. Il ne se fera pas têter. Lorsqu'il y a une raison intelligente de guérir, il va guérir. Comment un individu qui est prêt d'être son seul maître ou laisse en le savoir est humble et peut-il encore être achalé par la maladie? Premièrement, s'il laisse en le savoir, c'est qu'il ne l'est pas. Il est humble, peut-il encore être achalé par la maladie? Pour la simple raison que l'humain ne sait pas ce que c'est que d'être humble. Alors, lorsque la personne me parle d'humilité ici, elle ne me parle pas d'humilité, elle me parle d'apparence d'humilité selon les contextes moraux ou religieux qui ont été instruits. J'ai fait dernièrement une conférence où j'ai abordé d'une façon assez exhaustive l'humilité. Je ne veux pas y revenir là-dessus ce soir, je déteste répéter les choses, surtout quand c'est enregistré. Il n'y a pas de raison intelligente de répéter, n'est-ce pas? La personne n'est pas humble si elle est malade ou la personne n'est pas consciente. Ce qui est intéressant dans la question, c'est que comme un individu qui est prêt d'être son seul maître ou qui laisse sans le savoir, donc manque de conscience. Et humble, peut-il être encore achalé par la maladie? Il y a l'humilité de celui qui n'a pas d'ego, de l'animal humain. Il y a la maladie de celui qui a de l'ego. Et l'humain a besoin de l'ego. n'aura pas besoin tout le temps. Il en a besoin pour l'instant, c'est ça qui lui permet de se connecter à son esprit. Lorsque l'esprit est appelé, l'ego doit disparaître pour que l'esprit prenne la place de l'ego. Celui qui n'a pas d'ego et qui n'a jamais eu d'ego ne peut pas connecter avec son esprit. Il se connecte avec l'astral, avec la collectivité de tout le monde. Il suit tout le monde. Il est humble. Tu lui dis de manger des choses pourries et il en mange. Il est humble. J'appelle ça aussi stupide. Bon. Dans un contexte cosmique, on appellerait ça ignorant. Lorsque l'humain est humble, et c'est un humain qui a eu de l'ego, s'il est humble et malade, c'est qu'il n'est pas, et c'est qu'il a perdu sa conscience. Il n'est pas conscient. Ou bien il est conscient, il n'est pas humble. Il croit être humble. Je suis psychiatre et vous avez ici ce soir simplifié complètement toute ma conception idéologique. Quel pourrait être le rôle d'un tel médecin dans le contexte d'un plus à apporter à une profession déjà difficile? Bon, un psychiatre ne peut rien apporter à la profession de la psychiatrie parce que les psychiatres ne sont pas capables de comprendre ce qu'un psychiatre pourrait leur amener. On essaierait de psychiatriser le psychiatre pour le guérir. C'est dommage. Pour l'instant, la psychiatrie ainsi que la psychologie fonctionnent suffisamment comme ça. Moi, on m'a déjà offert de me guérir. Bon. Non, c'est un fait. On m'a déjà offert de me guérir. Ils m'ont dit que ça se soignait. Bon. J'aurais dit oui, ça se soigne. Et pas moi, vous. Et je ne l'ai plus jamais revu. Bon, alors évidemment, la psychologie va s'amuser cet automne parce qu'il y a un livre que j'ai écrit qui va sortir cet automne et qui va être assez intéressant. Je suis psychiatre. Tant pis. Et vous avez ce soir simplifié complètement toute ma conception idéologique. Bon, alors comment arriver à transformer ou à aider la psychiatrie? Il n'y a rien à faire. Lorsque les psychiatres vont de plus en plus avoir à traiter des patients qui ne sont pas malades, mais qui sont simplement transitifs vers l'homme nouveau et qui ne se comprennent pas parce qu'ils sont compris par les autres, lentement, la psychiatrie va devoir changer son fusil d'épaule. La psychologie évolue. La psychiatrie évolue. Il y a évidemment des psychiatres qui sont intelligents et qui ont de l'allure. Ça va de soi. Je parle de la psychiatrie en général. Elle amène à l'humain une chose qui est drôlement utile. Sauf qu'elle se fie, et ça, je le sais parce que j'ai travaillé avec beaucoup de psychiatres, elle se fie un peu trop à la médecine chimique. La psychiatrie, comme la psychologie, d'ailleurs comme la médecine, comme tout ce qui est appelé social, souffre d'une maladie, la structure. Et la structure l'oblige à ne pas avoir assez de temps. N'ayant pas assez de temps pour travailler avec l'humain, parce que le patient n'est pas structuré comme l'est le médecin. Le médecin entre à telle heure et part à telle heure et mange à telle heure. Le patient entre n'importe quand, mange quand il peut et sort lorsque, soit qu'on le met dehors, soit parce qu'il peut sortir. Alors, ce qui fait qu'il y a automatiquement il n'y a pas d'ajustement entre la médecine, entre tout le domaine social aujourd'hui et ceux qui en ont besoin. On a des personnes qui se vouent corps et âme. Les trois quarts de leur temps sont hors structure, donc non rémunérables. Tandis que la majorité n'ont pas le choix. Ils vivent dans une contrainte structurale, dans un carcan. Et on ne peut pas, évidemment, bannir, maudire les personnes qui sont encarcanisées. C'est la société. Lorsque vous prenez rendez-vous avec un dentiste, vous dites « j'ai mal à une dent, ça fait mal, c'est écœurant », le dentiste vous dit « parfait, pas de problème, alors voilà, je dis, on est le mois de février, au mois de janvier prochain, je vous donne un rendez-vous ». Il n'y a pas un choix. Il a fallu regarder l'évolution de l'humain. On a eu un bout de temps où on avait des médecins qui se présentaient la bine chez vous lorsque vous souffriez. Lorsque vous étiez malade, le médecin venait, on appelait ça un médecin de famille. Aujourd'hui, on appellerait ça un médecin débile. Et pendant un grand laps de temps, les médecins ne venaient plus. Les patients devaient se déplacer. Lorsque les hôpitaux furent pleins, on a inventé les CLSC, les cliniques. Mais on n'a pas éduqué la population. Alors, tout est toujours aussi plein. Et maintenant, parce que tout est toujours aussi plein, on doit revenir à la bonne vieille méthode et forcer les médecins à se rendre chez vous. Et on appelle ça urgence santé. Après télémédic, après urgence MD, après etc. On en revient. Pour la simple raison que veut, veut pas, même si on a réussi à organiser les soins, on n'a jamais réussi à organiser les maladies. Alors, comment donner un coup de pouce à la psychiatrie? Il n'y en a pas. Faudra que le patient change et la médecine va changer. Mais on ne peut pas attendre du patient un changement. Si la médecine change, la médecine ne peut pas. La médecine, elle est structurée. La maladie ne l'est pas structurée. Alors, si vous avez mal à telle place, à 3 heures du matin, vous vous présentez dans un hôpital le samedi soir et on va vous dire, oui, bon, alors on va vous garder parce que le médecin de service, il passe seulement lundi, la fin de semaine, on n'a rien. Bon. Alors ça, on le connaît. Il y a des personnes qui ont des personnes âgées chez eux. Qu'est-ce qu'ils font le vendredi soir? Ils bookent à l'hôpital. Et ils savent très bien que les personnes vont passer la fin de semaine à l'hôpital parce qu'il n'y aura aucun médecin pour les investiguer avant le lundi. Et le lundi, vu que le médecin va découvrir que la personne n'a rien, elle va la retourner. Et il y a beaucoup de personnes qui, comme ça, se débarrassent de leurs vieux les fins de semaine pour avoir la paix. Et c'est fréquent. J'en ai transporté en masse de personnes comme ça et qui, on appelle ça des codes de dumping dans le terme hospitalier. C'est pas une maladie. Enfin, c'est une maladie sociale. Alors, quoi faire au niveau de la psychiatrie, au niveau de n'importe quoi, de ce que je dis, par exemple, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a des médecins qui suivent le PMC, des médecins qui sont ici ce soir et qui ne changent pas l'hôpital dans lequel ils travaillent. Mais ils changent peut-être, eux, leur façon de travailler avec le monde. Ce ne sont plus des médecins pilules, ce ne sont plus des médecins passe voir le collègue. Fait la tournée. Il y a des médecins qui sont extrêmement valables, il y a des médecins qui le sont moins. Humainement, ils sont tous équitables, sauf qu'il y en a certains qui sont dans une conscience structurelle collective, d'autres qui sont dans une conscience plus individuelle, diplomatiquement collective, parce qu'il ne faut pas qu'on ait trop pilé sur les médecins. On ne peut pas rien faire. On n'a pas le choix. Lorsqu'on avait les bonnes sœurs et les bons frères, on sait que dans les bonnes sœurs et dans les bons frères, on a eu énormément de phénomènes diaboliques. On a eu des monstres. Et on a eu des personnes qui avaient ce qu'on appelait à l'époque la vocation. Ils avaient du temps. Ils mettaient le temps. Aujourd'hui, évidemment, c'est complexe. J'ai travaillé 2 ans de temps à Sainte-Justine et je ne pouvais pas être payé parce qu'avoir été payé pour faire ce que je faisais, je n'aurais pas pu le faire. J'ai travaillé par contre payé dans un centre d'accueil pour personnes âgées et là j'ai vu ce que ça donnait. On était sur moi je m'occupais d'une aile et un autre de mes collègues s'occupait d'une autre aile. Et lorsqu'un patient avait des problèmes, j'allais le voir. Mais je travaillais de nuit. Lorsque dans l'autre aile les patients avaient des problèmes, bien mon collègue jouait aux cartes avec le personnel du 4e, du 5e et du 2e. Alors évidemment, il répondait pas. Quand on fera la tournée de tout le monde, on y revoit. Alors moi, je n'avais rien à faire. Je jouais pas aux cartes. J'allais voir. Et j'allais voir, simplement, je n'avais rien à faire. Mais ça ne marchait pas parce que tout le monde se sentait coupable que moi, de l'autre bord, j'allais voir là. Alors ça obligeait le gars à venir. Alors on m'aimait pas. Et moi, j'étais, non, reste assis, joue aux cartes, ça ne me dérange pas. Mais non, là, lui, là, si la surveillante passe ou le surveillant passe, ben c'est moi qui devrais dire bon. Et c'est tellement structuré que quand on me poigne les fesses l'autre bord, ben on m'engueule parce que je devrais checker mon bord. Structuré. Mais bon, on m'appelle pas sur mon bord, c'est pas grave, tu restes là, c'était lui. Mais lui, il va pas. On s'en occupait de lui. On s'en occupait pas parce qu'il fallait. Tout le monde le faisait dans Baptiste, c'était pas pour éclairer tout le monde. Et les patients payaient jusqu'à 600 $ pour être là par mois. Alors, la structure, elle a ça de problème. Elle permet des gestions financières, elle permet des gestions du potentiel curatif humain, mais elle ne permettra jamais la gestion du potentiel pathologique humain. Patience, un jour, l'humain sera plus malade, alors les médecins réussiront à guérir. J'ai eu justement le cas d'un infirmier hier qui me disait que pour avoir été à domicile et avoir fait un massage de pied à une vieille personne, on lui a reproché d'un danger de déplacer un corio, tu sais, parce que c'était pas dans sa fonction, il avait pas à le faire. Tu sais. Il y a une loi canadienne, je crois, qui dit que celui qui fait... Tu as un accident d'auto. Moi, j'arrête, je te touche, je peux être criminellement responsable de tout ce qui peut t'arriver. Par contre, il y a une loi provinciale qui dit que toute personne qui ne fait pas tout ce qui est dans ses possibilités pour porter assistance à une personne en détresse est criminellement responsable aussi. Touche-j'y, t'es criminellement responsable. Touche-j'y pas, t'es aussi criminellement responsable. Il y a une loi fédérale qui vient piéger une loi provinciale. Alors, tu es fait. Et c'est une société assez intéressante dans laquelle on est. Effectivement, tu fais un massage de pied. Si elle avait un cario, tu peux créer une embolie. Tu peux créer une thrombose. Alors, tu ne fais pas de massage de pied. Et là, tu es inhumain. Bon, c'est ça. C'est fait comme ça. On me demandait souvent sur les accidents, oui, mais vous n'avez pas le droit de piquer, d'ouvrir une veine ou de mettre un médicament. Non, mais on le fait pareil. En même temps, puis de défibriller, puis de ventiler, puis de chercher les médicaments, puis non, elle peut pas. Mais c'est comme ça que ça marche. Si on regarde le système ambulancier au niveau du Canada, il est illégal. Chaque ambulancier fonctionne hors la loi, presque tout le temps. Il y a personne qui poursuit parce que ça sauve des vies, parce que si on poursuit, on va se rendre compte que c'est débile, alors on va être obligé de reconnaître les techniciens ambulanciers comme techniciens. Et on va être obligé de les payer comme techniciens. Alors, on préfère dire que ce sont des transporteurs médicaux et on les laisse faire tout ce qui est illégal, qui normalement sont des actes médicaux. Et les médecins le savent, les médecins le font avec eux, les médecins en sont contents. Les médecins te demandent, quand tu es dans une ambulance, veux-tu t'essayer? Et c'est illégal. Mais on n'a pas le choix. C'est illégal, mais c'est toléré. Parce que lorsque ce sera plus toléré, il faudra que ça devienne légal et ça va coûter. Et c'est comme ça qu'on marche. On voit à ce soir qu'au niveau des maladies physiques, bon, il y a des maladies qui peuvent être involutives comme évolutives. Au niveau des maladies mentales, même chose, qui peuvent être évolutives comme involutives. Les maladies mentales, il faut faire attention. Lorsque c'est un charriage manipulatif au niveau des plans astraux, lorsque c'est une maladie mentale qui agresse une personne qui avait été normale, ça porte le terme antique de possession. Les médicaments peuvent omnibuler des parties cérébrales pour obliger l'entité possessive à ne plus pouvoir s'exprimer. Bon, OK, mais ça ne guérit pas. Tu dois rester sous les médicaments. Les cures, les thérapies de groupe, qu'est-ce qu'elles font? Elles baignent, elles mélangent les égrégores de tout le monde, ce qui fait qu'à un moment donné, l'entité qui possède, diluée dans tout le monde, possède plus assez pour fonctionner. Les thérapies de groupe fonctionnent. Si on regarde ce que les Zoulous faisaient ou ce que nos Amérindiens faisaient, danser autour du feu en souvenir d'un bord puis de l'autre, en criant autour d'un tam-tam avec ce que tu voudras, c'est génial pour la faible raison que tu te défoules par une technique qui porte le nom PMC de Kiaï, mais en fin de compte qui est similaire. Alors tu te défoules. Alors évidemment, les Amérindiens, avant de prendre une grosse décision, rentres-tu en guerre, on marie-tu le chef, des grosses décisions, ils dansaient autour du feu, souillaient comme qu'ils pouvaient, lorsqu'ils étaient tout à fait épuisés. Alors là, ils s'écrasaient, puis là, maintenant, on va discuter de guerre ou de paix. Mais pas avant, parce qu'avant ça, tout le monde aurait parti en guerre. Tout le monde serait marié avec le chef. Bon. Lorsqu'on regarde les maladies psychiatriques ou les maladies psychologiques, les maladies mentales qui naissent chez une personne qui normalement est correcte, ce sont des maladies sociales. C'est un manque d'ajustement à la société parce que la personne n'est pas capable de s'ajuster à la société, soit parce qu'elle est trop intelligente, donc elle veut s'ajuster à elle-même, mais on l'en empêche. Ne connaissant pas le mécanisme d'ajustement à elle-même, elle pense qu'elle est folle. Alors elle finit par être paranoïaque, elle finit par être schizophrène, elle devient psychosée, et on la traite, on la guérit. On fait comme on m'a dit, ça se guérit. Bon. Pendant longtemps, les personnes se prenaient pour le Christ, maintenant elles se prennent pour les extraterrestres. C'est ça, c'est fréquent, c'est connu au niveau psychiatrique. Et oui, ils se plaignent à des places. Ça évolue. À l'égrégore collectif. Eh oui, ça a évolué. Maintenant, on traite plus les extraterrestres que sur le Christ. Évidemment, il y a encore des égrégores christiques, mais je veux dire, on est beaucoup plus plugués sur les extraterrestres depuis la diffusion des films qu'on a. Alors, on a beaucoup plus de phénomènes psychiatriques, de perte d'identité ou de projection d'identité sur des extraterrestres. Je viens d'une autre planète. De toute façon, on en a plein qui sont en liberté, qui, bon. Pour les conférences. Andro, c'est pas moi. Moi, je suis pas un extraterrestre. Ça évolue. Oh oui, ça évolue, ça va de soi. Bon. La maladie mentale qui est générée chez une personne qui est normale, c'est une manipulation possessive. Ça peut se guérir de différentes façons. Dans l'Antiquité, on le guérissait par la confession, par l'exorcisme. Aujourd'hui, on le guérit par le tapotage. On a essayé, à un moment donné, les douches froides, les électrochocs, la lobotomie. Bon, la lobotomie, ça fonctionnait. On coupait des parties du cerveau, alors évidemment, l'entité qui possédait ne pouvait plus s'exprimer. Aujourd'hui, on ne lobotomise plus biologiquement, mais on donne des médicaments qui créent des lobotomies passagères et temporaires, mais en fin de compte, on en revient à peu près à la même chose. Bon. La maladie mentale de naissance héréditaire fait partie des maladies karmiques. La personne, elle est là, elle n'a pas nécessairement de véhicule évolutif, pas nécessairement comme elle peut en avoir un, dépendant des maladies psychologiques, des maladies mentales de naissance, héréditaires. Elle est là, elle assume une grande part du karma de notre société. Nous la créons, cette personne. Donc, nous devons lui permettre une vie de plus en plus léger, de plus en plus facile. La personne tout à fait aliénée, elle doit être quand même sur le service de l'État. Et les personnes aliénées ont toujours été sous le service de l'État, quel que soit l'État. Parce qu'elle assumait le karma de la collectivité. Si on regarde dans les pays sous-développés, ou dans les tribus, dans l'Antiquité, l'État s'occupait pas, il n'y avait pas d'État, l'État s'occupait pas des débiles mentaux. Mais on les respectait. On ne les tuait pas, on ne les insultait pas, on ne les bafouait pas, on les nourrissait, on les habillait, on les laissait libres. Il y avait un gros bal, un fou rentrait, tout le monde se sentait mal à l'aise, mais tout le monde le laissait là. La société, je ne parle pas d'une société organisée comme la nôtre, la société, l'ensemble collectif, a toujours respecté le déficient mental de naissance pour la simple raison que vibratoirement, inconsciemment, c'était su. Il assumait le karma de tout le monde. Je suis débile mental et ça vous permet d'être ce que vous êtes. Continuez vos orgies, continuez vos problèmes, et moi, je vais payer pour. Alors, évidemment, on le respectait. Aujourd'hui, on le respecte toujours, mais de notre façon. Dans les cours de roi, tu avais toujours un sage puis un fou, automatiquement. Le fou était le symbole de tout ça. Parce qu'on avait des fous fous. Et le fou était le symbole. Mais les fous ont toujours été respectés dans toutes les civilisations. On n'en tuait pas. Chez les Amérindiens, on n'en sait pas, chez les Zoulous, chez les Tassadaï, dans n'importe quelle tribu, chez les Égyptiens, chez les Romains, chez les Macédoniens, partout, les Grecs, on peut nommer tout, même les Teutons, les Vikings ne tuaient pas leur fou. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'au lieu qu'on coupe, qu'on sectionne un nerf pour empêcher l'entité de s'exprimer, présentement avec la nouvelle énergie qui baigne la planète, tu commences à couper les entités au lieu de couper le nerf. C'est exactement ce qui arrive. C'est que si tu fais monter la vibration d'une personne, automatiquement, l'entité possessive n'a plus de place où rester. D'ailleurs, c'est le phénomène de l'exorcisme. Regardons ceci. Pourquoi? Je reviens un petit peu, c'est intéressant. Pourquoi on ne tuait pas les fous? Pourquoi on ne riait pas des fous et pourquoi on les respectait? On avait peur que ça attire des malédictions. C'est pour ça. Lisez les livres de l'Antiquité, vous allez voir, c'est pour ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que je dis. Tue le fou. Qui va assumer le karma? Personne. Alors, la société. Tue un fou et, karmiquement parlant, ça t'attire une malédiction. C'est-à-dire que le karma noir, l'énergie noire qui normalement devrait s'effoirer dans la société, baigne sur le fou. Tue le fou. Il n'y a plus de réceptacle. Alors, la malédiction vient. Le karma est maintenant assumé par la collectivité. Plus on est de fou, plus on rit. Ben oui, on peut faire plus de conneries, puis on en souffre moins. Tu dis que l'on ne peut pas manquer sa vie. Si on dévie de sa trajectoire, que nous arrive-t-il? Bon, on ne peut pas manquer sa vie pour la simple raison qu'il faut comprendre que l'humanité évolue et que l'humanité a une utilité cosmique d'évolution et non pas l'individu collectif. Cela veut dire que celui qui dévie, qu'est la société collective? La société collective, elle va dans un sens. Et tous ceux qui ont dévié vont dans ce sens. La marge est grosse, il y en a qui se promènent comme ça, mais ils avancent dans le sens de la société, de la collectivité. Et c'est la collectivité qui évolue. Donc, qu'est-ce qui arrive avec ma vie si je dévie? Rien, tu évolues collectivement. Lorsque l'humain devient individuel, c'est qu'il se désassujettit de l'évolution collective. Il ne dévie plus. Il ne peut plus dévier. Là, automatiquement, il devient une utilité cosmique d'évolution. Pas à vain. Donc, il n'est pas immortel. Je ne parle pas du corps physique. On a parlé de survivre à sa mort dernièrement. Même s'il perd le corps physique, il ne va pas dans le monde des morts. Il va se réincarner sachant qui il est. Et ça, on va y revenir sur... je crois que c'est la semaine prochaine. Bon, bonne alors, question, oui. C'est intéressant. La vérité de la réincarnation. Alors, la personne donc qui vit ça dans sa conscience individuelle va se réincarner d'une façon qui n'a jamais été connue par l'humanité, mais qui a toujours été enseignée, mais qui n'a jamais été connue. Et on va donc revenir la semaine prochaine. Lorsque l'individu n'est pas dans sa conscience, donc dans son intelligence, qui est dans la conscience collective, se réincarne selon des processus reliés au monde des morts, des processus fusionnels, des processus pluralitaires, des choses sur lesquelles on va revenir. Et cette personne ne manque pas sa vie, elle a une vie tout à fait ignorée de l'évolution cosmique, sauf que la vie collective, elle est importante, disons pas importante, mais utile. Elle a une fonction pour l'évolution cosmique de notre humanité et de notre univers. Tandis que lorsque l'humain, lui, finit par s'identifier à lui, se placer dans son intelligence, non seulement échappe au monde des morts, il échappe au monde des morts pour la simple raison que maintenant, il a une utilité cosmique, donc il ne doit plus mourir. Tant qu'il est collectif, il n'a pas d'utilité cosmique en tant qu'individu, donc il meurt. Il reste assujetti au monde des morts. Et il se réincarne selon les lois qui régissent même la réincarnation des personnes qui sortent du monde des morts. Lorsque l'individu devient individuel, il a maintenant individuellement une utilité, alors automatiquement, il ne peut plus mourir. Outre la maladie, quels sont les symptômes qui dénotent que l'on passe à côté du chemin de notre vie? Une évolution difficile est la preuve. L'évolution se doit d'être facile. Mais pour être facile, l'humain est obligé d'apprendre. Même si l'apprentissage mémoriel est un handicap à un moment donné, l'humain se doit d'apprendre. L'évolution, c'est comme la vie. La vie, c'est comme l'évolution, c'est une science. Vous devez devenir scientifique. Tout le monde connaît comment fonctionne son grille-pain, sa télévision, son auto. On connaît toujours un petit peu de choses. Personne ne sait comment il fonctionne, lui, au niveau du plan d'évolution. Lorsque l'évolution est difficile, lorsqu'on l'en arrache, c'est parce qu'on essaye d'aller quelque part où on ne doit pas aller. Je ne parle pas de l'évolution facile qui glisse comme dans les glissades à Bromont. Je parle d'une évolution qui demande quand même de l'énergie, qui demande une expression ajustée de votre recherche. Certains appellent ça de la volonté, d'autres de l'effort. Mais pas une résistance à pu finir à quelque chose qui semble ne pas vouloir se réaliser. Lorsqu'on souffre régulièrement, lorsqu'on a de la difficulté, lorsqu'on peine, c'est parce qu'on n'est pas dans un chemin qui nous est dû. Des fois, il faut juste changer quelque chose et c'est réglé. Vous savez qu'un chemin qui vous est dû peut ne plus vous être dû parce qu'il vous manque une chose. Vous êtes dedans et ça marche pas. Des coups, on ramasse une affaire. Des coups, ça marche. Mais oui. Mais le temps où il vous manquait une chose n'était pas votre chemin passé par la chose. Des fois, il faut rien. Et des fois, il faut tout changer. Ça dépend. Ça dépend des personnes. Alors, à part la maladie, la souffrance. Vous souffrez, vous n'avez pas compris l'intelligence de l'évolution et vous vous frottez la peau sur les murs de ciment du chemin. C'est souffrant. La peur, l'humain souffrant, veut donc évoluer parce qu'il est écœuré de souffrir. Il se goracherait à tue-tête, sans regarder n'importe où, dans n'importe quoi, s'il pense qu'il va cesser de souffrir. Il évoluerait trop vite. Alors vient la peur, qui vient bloquer son évolution, qui vient le ralentir. L'humain ne comprenant pas l'intelligence de l'amélioration est poussé dans le derrière par la souffrance et freiné par la peur. C'est intéressant, maudit. Tu as le pied écrasé sur le gaz et l'autre sur le frein. Tu veux partir, il y a un gars qui te court après, mais tu as peur d'aller trop vite et des chars en avant. C'est ça. Alors, la peur, c'est le frein et la souffrance, c'est la pédale de gaz. Mais ça use un char en maudit. En tout cas, ça tourne les tambours de frein. Lorsque l'humain comprend l'intelligence d'évoluer, il n'y a plus besoin de la souffrance. S'il y a encore peur, il n'évolue pas. Lorsque l'humain comprend l'intelligence d'évoluer, il doit comprendre ce qu'il fait et il doit s'arranger. Il doit s'arranger pour couper avec les mécanismes de souffrance. J'ai parlé suffisamment de la souffrance dans d'autres conférences. Je vais de toute façon y revenir parce que c'est un sujet magistral. L'humain n'évolue que parce qu'il souffre. Alors, en plus des maladies, sachons que tout ce qui amène de la souffrance dénote le fait qu'on n'est pas tout à fait ajusté. Un peu de souffrance, pas tellement grave, on est en train de s'ajuster, ça va. Mais lorsque la souffrance est générée par la peur, cette merde de souffrance, ce n'est pas de la souffrance, c'est de la peur. Et c'est un frein. Lorsque quelqu'un souffre, lorsqu'une personne est à côté sur une plaque de tôle noire qui est plantée en plein soleil, ben, à cuit, elle se sent bien et elle souffre. Elle se sent bien parce qu'elle touche à quelque chose. Et à un moment donné, elle se dit peut-être que si je me décollais de la plaque, je cesserais de cuire. Et là, elle développe une nouvelle souffrance. Oui, mais sans la plaque, qu'est-ce que je vais faire? Cette souffrance porte le nom de peur. À ne pas mélanger. Alors, elle va dire, oui, mais je souffre d'être sur la plaque, puis je souffre de m'en aller. Si la souffrance force à évoluer, et moi, elle m'aide pas bien, bien. Non, non, non, non. La souffrance sur la plaque te pousse à devoir bouger. La peur de bouger crée une nouvelle souffrance, mais qui porte le nom de peur. Et elle t'empêche de bouger. Ce n'est pas la souffrance, c'est la peur. Fais attention entre ce piège astral. Donc, cette peur-là est plus nocive au niveau de la fabrication des maladies que la souffrance, juste la petite usure, comme tu dis, d'ajustement, là, qui y a quand même quelque chose qui brûle pareil, puisque ça use, mais c'est pas assez profond pour percer, si tu veux, là. C'est ça. Si la peur de changer n'est pas suffisamment puissante pour réellement t'amener de la souffrance, il y aura des petites souffrances dans ton ajustement. Mais il faut que tu y ailles pareil. Si tu commences à t'enligner dedans ton couloir, tu arrêtes de foncer dans les murs. Tu commences à t'enligner, bien évidemment, tu t'effleures encore les murs. C'est parfait, arrête-toi pas. Il y a un peu de souffrance, mais tu es en train de t'ajuster. Et à un moment donné, il n'y aura plus de souffrance, sauf une souffrance pour l'homme ancien. Il n'y a plus de souffrance. Souffrance? Alors là, il faudra qu'il s'adapte. Il arrive toujours un moment donné où l'être humain vit un creux. Un creux majeur, un creux où il ne trouve plus rien, où il n'y a plus de mémoire, tout ce qu'il a connu ne vaut plus rien, tout ce qu'il a appris ne tient plus debout, tout ce qu'on vient lui dire n'a pas de saveur, tout ce qu'il envisage n'a pas d'odeur, ce n'est pas appuyable sur quoi que ce soit, il y a lui et rien d'autre. Il n'y a plus rien que lui. Là, il est dans son intelligence. Maintenant, va-t-il être capable de rester lui suffisamment longtemps pour que l'esprit puisse s'installer, ou bien s'il va essayer de se ragripper à des choses qui vont passer. Et là, il a connu l'instant, un instant de temps, il a connu ce qu'était l'état d'être. Et il est revenu dans le passé avec la mémoire de cet état de béatitude qu'il va rechercher encore. Pauvre Cap, il l'avait puis il l'a lâché. Bon. Alors, lorsque l'humain arrive à être seul, plus rien, plus rien. Rien, rien, rien, rien, rien. Il a tout. Mais tout, rien. Il doit attendre, rien faire, plus rien, rien, capote. Chaque fois qu'il se dit « Qui suis-je? » En même temps, une vibration vient lui dire « Ferme ta gueule, c'est ta pensée qui pense, c'est ta mémoire, c'est une question que t'as appris. Question que t'as lue. » Alors, la question... La galaxie, les étoiles, les planètes. Merde, je regarde le ciel, puis même le ciel est une illusion. Parce que les planètes que je regarde, il y en a qui sont même plus là. Puis il y en a qui existent aujourd'hui que je vois même pas. Parce que le temps que prend la lumière à m'amener l'image de la planète à mon œil, ben la planète est partie. Alors le bonhomme, il est là, puis il regarde Alpha du Centaure, puis ça prend un an à la vitesse de la lumière, fait que là, il la voit. Ça peut être 9 mois qu'elle a explosé. Mais dans... 3 mois, il va voir que ça commence à exploser. Alors le gars, il se dit, oui, mais tout est illusion, c'est une vraie farce. Je regarde le verre d'eau et qu'est-ce que je vois? Ben, je vois un influx lumineux transformé en électricité et amené à mon cerveau et transformant mon énergie en énergie. Qu'est-ce que je vois? Je touche le verre. Non, je perçois dans ma tête l'impulsion électrique sur mon système nerveux. C'est quelque chose. Qu'est-ce que j'ai comme connaissance de l'extérieur? Tu ne m'as rien. Qu'est-ce que je connais, du papier ou des couleurs? Moi, je vois ça d'une couleur. Toi, tu vois ça d'une autre couleur. Moi, je vois ça d'une forme. Toi, ça d'une autre forme. Et vu qu'on porte les mêmes mots, même chose, on pense qu'on voit la même affaire. Oui ou non? Alors, la personne, elle est là, puis elle est, puis rien. C'est sa famille, sa tradition, les religions, le travail, l'espoir, tout, rien. Si elle n'a rien, rien, elle va vivre. Si elle n'a rien dans sa pensée consciente, mais tout dans sa pensée inconsciente, elle risque de se suicider parce qu'elle est manipulée. Elle va assumer un karma collectif, puis elle va créer du remous dans l'émotion collective. Elle va se suicider. Plaisant. Puis on se suicide toujours dans les places publiques ou en laissant un petit message en arrière parce qu'il faut absolument que ça laisse l'émotion. Il n'y a pas de personne qui se suicide comme ça, là, qu'on ne voit plus. De personnes sages qui, à un moment donné, décident ou trouvent que leur vie, elle est maintenant terminée dans l'état où ils l'ont vécu et qui se retirent sans que jamais on le sache et qui meurent en paix. Ça, il n'y en a pas beaucoup. Les suicides comme tels, ce sont tous des manifestations manipulatrices de l'astral pour créer de l'émotion dans l'astral collectif, dans le ciel. Alors, je laisse une lettre pour te faire chier, là, c'est de ta faute, puis je vais me suicider. Ou je me garage devant le métro, tout le monde le sache. Ou je me fais d'en bas d'un pont, ou je m'arrose de pétrole et je me fous le feu. Mais c'est toujours de façon à laisser de l'émotion. Ça, le suicide. Alors, c'est la même chose pour tout ce qui est relatif au vécu de l'humain. Lorsque l'humain arrive à se centrer sur lui, c'est pas de l'égoïsme, de l'égocentricité. C'est de la centricité. Il y a une maudite différence entre un et l'autre. Théocentrique, c'est tout centré sur l'esprit. Égocentrique, tout centré sur l'ego. Il y a une maudite part. Lorsque l'humain arrive à se théocentriser, théo pour Dieu, ben oui, c'est un ancien terme, mais Dieu, Dieu, et l'intelligence. Lorsque l'humain arrive à se centrer sur son esprit, sur lui tel qu'il est, et non pas sur lui tel qu'il pense qu'il est, ça c'est l'ego, qui s'imagine qu'il est bon, puis qu'il souffre, puis qu'il est riche, puis qu'il est pauvre, puis qu'il est intelligent, puis qu'il manque son coup, puis qu'il poigne, puis qu'il n'a pas de fille, puis qu'il n'a pas besoin de sécurité, mais qu'il cherche un gars, puis etc., puis qu'il s'ennuie pas, puis qu'il y a un paquet de systèmes vidéo, puis des cassettes au bout. Ça, c'est l'ego. Il pense qu'il est telle chose, puis il l'est pas. Il essaye de devenir ce qu'il est. Imagine-toi. Il essaye de devenir ce qu'il est. Il essaye pas de devenir ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Il essaye de devenir ce qu'il n'est pas. L'esprit. Et l'esprit, c'est l'humain authentique. Lorsque l'humain se centre sur lui, lorsque l'ego est capable de se mettre à genoux devant l'esprit, bien évidemment, il n'y a plus de problème. Tant que cela n'est pas là, l'humain va souffrir. Et lorsque plus la souffrance est grosse, la souffrance fait évoluer. Je le dis, on l'a toujours dit, et même qu'il y a du monde qui a commencé à se faire souffrir, la souffrance va évoluer. La souffrance que la vie t'apporte te fait évoluer. La souffrance, pauvre cave, que tu te donnes toi-même, elle ne fait pas évoluer. Celui qui s'accroche des broches, se suspend devant tout le monde, il n'évolue pas. Ça, on en a plein, énormément. On en a énormément de personnes qui se font souffrir pour évoluer. Ils ont rien compris. Ben, c'est évolutif, oui, ils vont finir par apprendre à arrêter. Ça peut rien, ça peut leur montrer que ça. Et celui qui souffre parce que la vie, celui qui est en friction contre la vie, souffre. Et ça, c'est évolutif. Cette friction se poursuit jusqu'à quand, Daniel? Quand tu arrives au bout du chemin, à un moment donné, quand tu es dans ton être, il n'y a plus de chemin. Lorsque tu n'as plus de choix, c'est parce que l'humain fait un choix que la réalité est perdue. Mais l'humain, présentement, ne peut pas faire autrement que faire des choix parce qu'il se réfère à sa mémoire. Et dans sa mémoire, il n'y a pas le tout. Alors, il essaie d'expliquer la vie neuve à partir de son passé vieux. Lorsque l'humain est centré sur lui, l'homme nouveau ne fait plus de choix. Il ne choisit plus. Je ne choisis pas entre lequel des deux verres je vais boire. Je prends le plus proche, économique en énergie. Il ne fait pas de choix, je l'ai expliqué souvent. Lorsque tu as un problème et que je te mène quatre solutions, dont une intelligente, ben si tu es intelligent, tu n'as pas le choix. Tu prends la solution intelligente. Tu n'as plus de friction sur la vie. Mais si tu n'es pas intelligent, mais intellectuel, si tu te réfères à tes mémoires, tu devras analyser toutes les solutions, voir avec tes mémoires, demander des conseils aux autres, donc essayer de fouiller les mémoires des autres. C'est ça, demander un conseil à un autre. Avoir connaissance de ses mémoires à lui. Et là, tu essayes ça, ça ne marche pas. Tu essayes ça, tu as des choix. De temps en temps, ça marche. Tu le mémorises et là, c'est fait. Quand tu as un problème qui est similaire, tu vas voir et tu dis, crime, ça a marché. Tu te réessayes, ça ne marche pas nécessairement. Le problème, il est similaire, mais il n'est pas identique. La vie n'est jamais identique. Une guerre n'a jamais ressemblé à une autre guerre. C'était similaire. C'était pas identique. Il y a des parachutistes pendant les guerres qui, à un moment donné, sont ramassés sur une vache. Hein? Bon, un parachutiste tombe sur une vache. Un autre tombe sur le devant de la vache. C'est comme. Bon. Un autre est tombé en plein milieu d'un campement ennemi. Il n'a pas vécu longtemps, lui. Un autre est tombé dans un bordel. Il a vécu heureux. Bon. C'est similaire, mais c'est pas identique. La vie, elle est comme ça. Lorsque l'humain accumule de l'expérience, il essaie toujours, il se sent sécure. Là, maintenant, il y a de l'expérience et il essaie d'expliquer les choses neuves. Ça ne peut pas fonctionner. T'arrêtes la friction disparaît lorsque tu... Et on ne peut pas décider. Si tu décides de, c'est parce que je l'ai dit, donc parce que tu l'as appris. Non, ça va venir à un moment donné. Tu ne te frictionneras plus à rien. Même pas l'alcool à friction? Même plus. Donc, dans les dernières questions, si je n'arrive pas à saisir ce qu'est être intelligent, est-ce en fait arriver à penser différemment, à agir sans penser ou à se fier à ses instincts? Bon. Ce n'est pas se fier à ses instincts. Les instincts sont soit d'ordre physique, soit d'ordre vital, l'instinct de conservation, l'instinct de procréation. Et on a des instincts humains qui sont d'ordre social, religieux, philosophique, moral, ces instincts-là. Non. Qu'est-ce qui... Bon, penser différemment. À agir sans penser. Oui, agir sans penser. Parce que celui qui a le savoir instantané, celui qui est intelligent, ne pense plus. Pourquoi vous pensez? Pas parce que vous êtes intelligent. Et quand je parle d'intelligent, je veux dire hautement intelligent. Prenons l'idée de l'intelligence. C'est quoi d'être intelligent? C'est intelligent, intelligent. Celui qui pense parce qu'il ne sait pas, ben s'il ne sait pas, il n'est pas intelligent. Il faut qu'il pense. N'est-ce pas? C'est logique. Si vous pensez, c'est parce que vous ne savez pas. Si vous êtes intelligent, vous savez. Alors pourquoi vous pensez? Pourquoi vous pensez 20 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures à penser? Parce que vous n'êtes pas intelligent. C'est simple. Sauf que ce que ça veut dire que vous êtes stupide? Non. L'humain a toujours catalogué l'intelligence par rapport à la faculté qu'il avait de se rappeler. Vous mémorisez tout. Vous êtes capable de tout mémoriser, mais vous n'êtes pas capable de tout vous rappeler. On doit vous hypnotiser pour vous rappeler. On doit vous botter le derrière pour vous rappeler. Et ça demande de l'énergie de se souvenir. Pas intelligent. Être intelligent veut dire ne pas être régi, ne pas être assujetti à ses mémoires. Cela veut dire être capable de savoir sans savoir. De savoir sans l'avoir appris. Tout à l'heure, je m'amusais. J'étais en train de parler de phénomènes médicaux et j'aurais pu pénétrer dans des domaines que je n'ai jamais appris. Mais évidemment, il y a certaines personnes ici qui auraient pu suivre, puis encore, et pas tous. Pourquoi? Parce que j'étais en train d'aller élaborer avec une terminologie tout à fait hautement scientifique dans des domaines qui étaient plaisants. Bon, ça allait bien, je m'en allais là-dedans. Et à un moment donné, j'ai coupé parce que on est en train de faire une conférence. Quand je parlerai à l'Université de Montréal devant des médecins, je m'amuserai à prendre leurs termes. Est-ce que j'ai besoin d'étudier avant? Ce n'est pas nécessaire. Ils me poseront les questions, je leur répondrai. Ça, c'est intelligent. Et tous les humains de la planète, en commençant par les humains du Québec, donc en commençant par vous, vont un jour arriver à être intelligents. Lorsque vous vous promenez quelque part et que vous ne savez pas quelle direction prendre, vous réfléchissez. C'est pas intelligent. Lorsque vous ne posez jamais de questions, lorsque vous pensez même pas, lorsque vous arrivez pile, ça, c'est intelligent. Et ce n'est pas miraculeux, c'est comme ça l'intelligence. Avant d'être terrestrifié, l'humain était intelligent. Maintenant, l'humain va redevenir intelligent. Lorsque le Nazaréen parlait à ses apôtres, ces pauvres bonhommes qui lui ont dit « Oui, mais si je parlais dans d'autres pays, ben je ne connaîtrais pas toutes les langues. Puis, va-t'en, ferme ta boîte, pense plus. Quand ça sera le temps, tu parleras. » Alors, ils sont partis, très égoïsés. Et ils ont commencé à parler, ils se sont rendus compte que tout le monde comprenait tout. Le grec comprenait en grec, le latin comprenait en latin, le romain comprenait dans sa langue maternelle, le palestinien dans sa langue maternelle, c'était en hébreu. Comment ça se fait? Ben lui, il parlait, et puis l'autre, il comprenait dans sa langue. Est-ce que ça veut dire que lui parlait toutes les langues en même temps? Pas nécessairement, non. Il y avait un contact télépathique qui se faisait, une manipulation qui se faisait. Dernièrement, il y a une personne qui m'a dit « C'est drôle, tu étudies l'anglais? » Ben oui, j'étudie l'anglais. Ah, il me semblait que quelqu'un qui avait le savoir instantané, ça va tout. Ben oui. Sauf que, je lui ai répondu, la personne qui est pluguée 24 heures sur 24 et qui est tout à fait dans un état de conscience, et présentement, la planète Terre ne le permet pas. La personne qui est pluguée 24 heures sur 24 n'a pas besoin d'étudier. Ce que je lui ai pas dit parce que ça me tentait pas, c'est qu'en dedans de 2 ou 3 semaines, je vais pouvoir faire des conférences en anglais. Ce n'est pas comme ça que tout le monde apprend l'anglais. Je suis bilingue, je ne parle pas anglais. Et dernièrement, je disais à quelqu'un justement que j'étais bilingue, mais je ne parlais pas l'anglais. Alors la personne me dit, ben voyons donc, si t'es bilingue, tu parles anglais. J'ai dit, non! Qu'est-ce que ça veut dire bilingue? Ben ça veut dire parler les deux langues. Oh, parler les deux langues. Et qu'on est orgueilleux, hein? Vache! Alors, le russe qui parle le russe et le tchèque, il est pas bilingue. L'espagnol qui parle l'espagnol et l'italien puis le portugais, il est pas bilingue. Parce qu'être bilingue, c'est parler français et anglais. Et moi, je parle français et espagnol, donc je suis pas bilingue. Je suis bédingue. Mais non, je vais être trilingue quand je parle l'anglais. Être intelligent, c'est être capable d'être. Lorsqu'une balle de fusil se dirige vers vous, elle passe. Et vous n'êtes pas là pour l'arrêter. C'est pas intelligent d'arrêter une balle de fusil avec son cœur, avec ses poumons. C'est pas intelligent. Alors, vous n'êtes pas là pour l'arrêter. Et ça, c'est intelligent. Lorsque vous montez sur un cheval, vous ne tombez pas. Et être intelligent, c'est ça. C'est simplement être. Être vivant. L'humain n'est pas l'esclave du manque d'informations et de l'ignorance. Présentement, il est esclave, oui, parce qu'il est esclave de la connaissance. Il est esclave de l'apprentissage. Tant qu'il va en être l'esclave, il devra apprendre comment s'en sortir. C'est pourquoi les personnes peuvent maintenant étudier comment s'en sortir, aussi con que ça en a de l'air. Le choix. Vous allez commencer à apprendre. Vous allez devoir poursuivre votre apprentissage jusqu'au jour où vous allez avoir appris à ne plus apprendre. Si vous cessez d'apprendre, vous n'avez pas appris à ne plus apprendre. Vous devez apprendre à apprendre pour apprendre à ne plus apprendre. La semaine prochaine, c'est la réincarnation. On m'a souvent posé des questions là-dessus, donc on va refaire une conférence sur la réincarnation. Ceux qui ont déjà écouté ou assisté à la conférence que j'ai faite il y a 2 ans, sachez que je ne le répète pas.